Voilà, l'émission, la nôtre a lieu en direct. L'enchaînement avec l'émission suivante va se faire en direct. Donc Alexis arrive dans les studios, me donne le premier morceau à diffuser. Il est 17h01 sur l'antenne de Radio Libertaire, voix sans Dieu, sans maître, sans publicité, de la Fédération anarchiste. On va essayer ce prodige de faire sortir 8 personnes du studio et d'en faire entrer 4 plus 2 animateurs dans les 2 minutes 54 de l'indicatif de Bulle de Rêve. Bonjour, toujours Radio Libertaire, et en effet c'est bien Bulle de Rêve ce mois-ci, hein, Bulle de Rêve enfin, après un mois pour fêter l'anniversaire de Radio Libertaire, et on se retrouve autour du cinéma d'animation. La musique que vous avez entendue juste à l'instant, c'est Pierre Caillet qui l'a composée, et c'est d'un film qui s'appelle Train Train, et donc si vous connaissez un petit peu, vous savez, peut-être si vous avez lu, c'est le studio Train Train qui va nous accompagner aujourd'hui, avec toujours bien sûr Florentine, bonjour. Voilà, qui va nous faire son agenda, et Nicolas derrière qui voilà va encore jongler avec mes morceaux de musique comme d'habitude. Vous pouvez regarder si vous ne connaissez pas encore Train Train, honte. Vous pouvez regarder donc sur The Web Annie, vous allez voir plein de donc zwebanim.com, plein de choses qu'on fait le studio Train Train, ce qu'ils ont fait même un peu avant, on va en parler tout ça. On va aussi avoir quelqu'un qui est dans Train Train, qui a participé et qui va nous parler un petit peu de son travail, qui a fait un très beau court-métrage qui s'appelle Sumo, et elle va nous en parler aussi un petit peu. Et puis dans un coin, elle s'est toute petite, elle a été abandonnée à Train Train. Elle a dit qu'elle parlerait pas, donc voilà, vous avez quelqu'un que vous entendrez peut-être, qui est déjà venu souvent ici, donc on verra bien. Alors après deux mois, récemment, j'ai été, je vous raconte un peu ma vie, un petit peu là, pendant 30 secondes. J'étais en Moldavie, récemment, et j'étais à la télé moldave dans une émission qui s'appelle Republica, sur une chaîne qui s'appelle Publica avec un monsieur qui s'appelle Mihai Fusu, et donc j'étais là-bas et passionné d'animation comme d'habitude, et à côté de moi se retrouvaient deux journalistes d'investigation qui risquaient leur vie tout le temps en dénonçant un peu ce qui se passait en Moldavie, et je me trouvais un petit peu ridicule, je vous avoue, devant deux personnes comme ça. Et donc ça m'a fait poser des questions, je me suis dit, est-ce que finalement l'animation, peut-être que c'est peut-être pas si important, j'exagère un petit peu. Et puis récemment je voyais une je vous conseille de regarder ça, une bande-annonce d'un film qui est fait au Ghana, d'un film qui s'appelle 2016, avec des Predators et des Terminators, qui est pas terrible, faut le dire. Et donc j'étais sur les forums, disant, est-ce qu'il y a un cinéma au Ghana? Et il y avait notamment quelqu'un qui disait après, ben non, il n'y a pas de cinéma au Ghana, pour l'instant on a autre chose à faire que de faire du cinéma, et peut-être qu'il faut de l'argent pour... un peu se nourrir. Et puis j'ai eu un mail au milieu de semaine de quelqu'un qui est en face, qui est derrière la vitre, Nicolas, qui m'envoie un mail en me disant que l'institut de sa fille, qui est en CE2, leur demande quel est votre film préféré. Et l'une des élèves cite un dessin animé, ou un film d'animation en tout cas, voilà, un Pixar. C'est à quoi l'institut répond, j'ai dit un film, pas un dessin animé. Quant à la fille de Nicolas, elle répond à la question en parlant d'une série télé, en prise de vue réelle. L'instit, là, n'y voit aucun inconvénient. Donc, un film, une série télé représente plus un film qu'un film d'animation. Donc, je me suis dit quand même, avec tout ça, tous mes questionnements, je me suis dit finalement, est-ce que tout ça, c'est qu'une anecdote? Et je me suis dit, pas uniquement. Finalement, l'image par image n'est souvent pas considérée comme par un large public comme une chose sérieuse, on le sait bien. Pourquoi celle-ci est reléguée à l'enfance ou au souvenir de l'enfance? Enfin, là, dans le cas de l'histoire de Nicolas, même l'enfant n'a plus le droit à ça. Je pense que l'image par image est souvent mise de côté car elle fait la part belle à l'imagination. Et comme le dit Jan Meyer dans son décalogue, l'imagination est subversive parce qu'elle proclame le possible contre le réel. On dit souvent aux enfants, mais quelle imagination, où vas-tu donc chercher tout ça? Dès lors, le domaine de l'animation est celui des doux rêveurs, ceux qui, soi-disant, sont restés enfants. Et aujourd'hui, quand l'animation est utilisée dans les films à gros budget, ce n'est pas pour faire travailler cet imaginaire, par contre, cette imagination des gens, afin qu'ils reconstruisent eux-mêmes une autre réalité, mais c'est une utilisation qui, comme la fameuse phrase d'André Bazin, qui est citée, même si visiblement ce n'était pas complètement la phrase originale dans Godard, au début du Mépris, c'est ce cinéma, en fait, cette utilisation permet au cinéma de substituer à notre regard un monde qui s'accorde à nos désirs. Sauf qu'André Bazin n'aimait pas l'animation. Et en effet, l'image par image, elle ne substitue pas, elle n'échange pas, mais elle crée un autre monde, ou plutôt des milliers d'autres. Et si ces milliers d'autres réalités peuvent prendre leurs racines dans des mondes imaginaires, une partie d'entre elles, une petite partie pour l'instant, prend racine dans le monde de tous les jours, comme par exemple dans le cinéma de Kon Satoshi ou de Keiichi Hara, dont je vous conseille très vivement d'aller voir le nouveau film Colorful qui est sorti la semaine dernière. C'est ça, Florentine? Il y a 15 jours maintenant, je crois. Il y a une quinzaine de jours. Donc allez le voir, parce qu'il est sur très peu de salles et il faut se battre pour ce genre de film. Mais cette réalité est recréée. La subjectivité y est évidente. Et si l'identification avec les personnages peut aussi jouer, elle ne passe pas, comme pour la prise de vue réelle, par une identification, voilà, je peux parler un peu plus doucement aussi, physique de base, selon des critères comme le sexe, des attributs comme la taille, les cheveux, les yeux, la corpulence, enfin voilà, la couleur de la peau. Certes, tout cela existe aussi dans le cinéma d'animation, mais on peut plus facilement modifier l'apparence des personnages, ceci étant déjà une œuvre tirée de l'imaginaire. Donc pour moi, si aujourd'hui le documentaire, par exemple animé, qui est quelque chose de très intéressant dont on parle souvent, prend aujourd'hui de l'ampleur, ce n'est pas uniquement pour mettre en scène des moments importants qui n'ont pas été filmés, mais bien parce que ces moments, grâce à l'image par image, prennent une nouvelle dimension plus large. Alors que les images en prise de vue réelle perdent de leur crédibilité chaque jour un peu plus, on le voit bien, et qu'on se rende compte de leur subjectivité à travers chaque recoin des images dites documentaires, par exemple des reportages télé. À l'époque où finalement, l'être humain est perdu dans cette surreprésentation qu'il a de lui-même. L'image par image devient alors l'espace où chacun de nous peut recréer une réalité propre, une réalité qui lui appartient. L'idée, évidemment, c'est que cette réalité n'est pas faite pour se refermer sur soi, mais peut-être pour recréer une véritable mondialisation, non pas basée sur l'argent, mais sur l'imagination et l'imaginaire. L'image par image vient, comme son nom l'indique, de l'image fixe, comme la peinture, la photo, le dessin. Je vous engage d'ailleurs à aller sur le site occuprint.org, donc O-2-C-U-P-R-I-N-T. print.org. Pour voir les nombreux posters créés pour soutenir les mouvements dans le monde entier des 99% contre les 1% de ceux qui occupent Wall Street et d'autres lieux dans le monde. On peut imaginer la force qu'aurait un film image par image fait à partir de ces affiches. On en parlera tout à l'heure d'ailleurs par rapport à la révolution tunisienne et ce qu'il va y avoir au Forum des images. Il y a 43 ans maintenant, une affiche proclamait l'imagination au pouvoir. Il est peut-être enfin temps de mettre ce slogan en exécution. Et on va écouter quelque chose, on va écouter le morceau numéro 2 et le morceau numéro 3. Et on se retrouve après avec Train Train. sucre. Hé, hey, dis, il ferait bien d'aller voir le petit, il m'a ouvert à poil. Si, si, comme je te dis, à poil. Oh, si c'est pas malheureux. Mais moi, rester sous terre comme ça, des semaines, je pourrais pas. Le froid, les bestioles, faut pas être claustro non plus. Et puis, on doit prendre la flotte. Ah non, non, non, vraiment, très peu pour moi. Encore un café ? Bulle de rêve, toujours sur Radio Libertaire 89.4. J'ai oublié de vous donner tout à l'heure le numéro du studio, au cas où, 01 43 71 89 40. 01 43 71 89 40. Vous entendrez la douce voix de Florentine qui va nous répondre oui, bonjour. Et donc voilà, vous écoutiez au niveau de la musique, musique de groupe qui s'appelle College, featuring Electric Youth, A Real Hero, un véritable humain et un vrai héros. C'était pas, voilà, c'est en rapport avec le texte aussi d'avant, de se battre pour des vrais combat. C'est tiré d'un film qui s'appelle Drive, que je vous conseille d'aller voir si vous n'avez pas été le voir, qui est, j'ai pas commencé ici, non. Grande théorie, j'ai une théorie sur ce film. Non, on dit que c'est un film post-moderne. Je ferai d'être un jour où Florentine oubliera d'avoir des invités, on pourra pas parler que d'anime. Dans ce cas, je vous parlerai d'autre chose, mais pour l'instant, je suis surveillé, donc il faut que je fasse vite. Voilà, vous entendiez juste un tout petit peu d'un extrait d'un film qui s'appelle Love Patate, de Gilles Cuvelier. Voilà, on dit bien son nom parce qu'il n'est pas avec nous. Donc voilà, je dis son nom et puis voilà, il nous entend, il nous écoute et puis on va revenir après. C'est évidemment Train-Train. Vous allez avoir des petites virgules comme ça qui viennent des films de Train-Train. Mais pour l'instant, ce que vous attendez le plus, le moment où je me tais et où elle prend enfin la parole, l'agenda de Florentine. Alors l'agenda très très chargé en ce mois de décembre qui arrive jusqu'au 17 décembre, puisque notre prochaine émission sera avec Ilan Nguyen, on peut déjà le dire. Ouais, que je vous conseille d'écouter. Tu devais te taire, oui, c'est bon. Ilan qui viendra nous parler de l'animation japonaise et surtout de la nouvelle animation japonaise. On parle souvent, voilà, de Miyazaki, etc. Maintenant, voir un peu tous les Mirai Mizue, Kei Oyama, enfin, toute la nouvelle génération japonaise qui est si importante et si intéressante. Puis Hiroshima 2012, si je peux me faire inviter à Hiroshima. Enfin, voilà, c'est pour ça aussi. Vas-y, Florentine, enchaîne. Donc, jusqu'au 17, il y a énormément de festivals, de projections. Donc, je dirais un peu en vrac. De toute façon, vous retrouverez tout sur www.bulle-de-rêve.com. Donc on va commencer dès demain avec l'avant-première du documentaire sur Rea Ryuzen, donc qui est au Gaumont, il me semble, c'est pendant le festival déjà de Paris International Fantastic Film Festival. Et voilà, c'est au Gaumont Opéra Capucine à 10h15, c'est gratuit. Ouais, c'est réalisé par Gilles Pinceau, voilà, qui avait écrit un gros livre sur ce mot horrible maintenant qui est stop motion, vous savez, le mouvement arrêté, donc image par image, l'animation, quoi. Sauf que qui prend maintenant le nom en fait du volume, et qui a fait un bouquin qui est super intéressant, qui a interviewé Rea Ryuzen, qui est un monsieur quand même super intéressant. Et donc voilà, donc un beau documentaire sur, apparemment avec pas mal de fans, enfin James Cameron, Peter Jackson, enfin pas mal de fans FX et autres qui... Ça, c'est les gros, mais voilà, c'est ça, y a super intéressant aussi, il n'y a pas que, hein. Mais c'est vrai que ça fait bien. Non, c'est vrai que c'est les noms, on est content d'avoir James Cameron. Les noms d'appel, voilà, oh, Burton, yes, he was incredible. Etc. Et, bah, ouais, c'était super bien ce qu'il fait. Peter Jackson, un vrai, vrai fan, puisque, enfin voilà, on va pas. Donc ça, on va c'est pas passer demain. 3 heures sur Ariozone, parce qu'elle en est à peine au premier paragraphe. Ça commence bien, c'est gratuit. Ensuite, on arrive mercredi avec les sorties cinéma. Donc, exceptionnellement, en sortie cinéma, je ne vous parlais que d'une sortie cinéma, puisque les autres ne sont pas intéressantes et en fait, elle est boycott pour éviter que je hurle. Et qu'il rallonge trop l'agenda. Donc, le 30 novembre, il y a Gros Poids et Petit Poids de Lotta et Yuzi Geffenblad qui sort. Lotta et Yuzi Geffenblad, ce sont des réalisateurs qui ont déjà fait pas mal de courts-métrages, dont, Franz et le chef d'orchestre, Les Pierres d'Aston, qui est un moyen métrage. Bon, ils ont fait pas mal de cours. Et là, c'est un long métrage, mais ça rassemble en fait plusieurs petites histoires sur Gros Poids et Petit Poids, qui sont deux petits lapins. Mais c'est quelque chose qui est pour les enfants, mais que j'ai vu, en fait, j'ai vu une avant-première ce matin avec les réalisateurs. C'est pour les enfants, mais il y a énormément de second degré pour les adultes et c'est très drôle et il faut pas hésiter à y aller. C'est très mignon, c'est en volume. Donc, c'est là, j'ai très bien fait. Il y a plein de second degré aussi dans la décoration, tout ce qui est fait, les marionnettes. Et les histoires sont même absurdes, un peu irréalistes, et c'est très drôle, donc allez-y, c'est très bien. Voilà, on va passer ensuite au parti festival, avec, on va attaquer par, enfin les nuits magiques, parce que j'ai le choix. On a un peu, on a sur Paris, mais on a aussi dans toute la France. Donc on va attaquer au avec même les... moment, c'est bien. Et à peu près au même moment, c'est ça. Entre fin novembre et mi-décembre, il y a énormément de choses. Donc les nuits magiques, c'est du 30 novembre au 13 décembre. Donc c'est à Bègles, à côté de Bordeaux. C'est le cinéma le festival. Donc voilà, c'est un festival au cinéma Le Festival, qui est un cinéma qui est spécialisé, le seul encore maintenant spécialisé dans tout ce qui est effets spéciaux, animation, image par image. Et donc c'est la 21e édition du festival, avec une compétition internationale, un hommage à Tex Avery, Paul Grimaud, un focus sur cinéma espagnol et de nombreuses autres séances que vous pourrez voir sur le programme. Donc voilà, Les Nuits Magiques, c'est un festival vraiment important et qui prend de l'importance en tout cas en France. Et alors, pour tout ce qui est compétition internationale, c'est vrai que tous les festivals dont je vais vous parler après, en général, il y a de toute façon tout ce qui est court-métrage, film de fin d'études, et tout ce qui est aussi programmes spéciaux, on le retrouve, tout ce qui est rencontres et tables rondes. Je vais pas le redire à chaque fois, mais c'est vrai que tous les festivals maintenant ont ces particularités d'avoir des projections et aussi des rencontres importantes. Et je vais plus insister après sur tout ce qui est rencontres avec les réalisateurs quand ils viennent et qu'ils sont présents. Donc par exemple, pour Animix... On enchaîne, Alexis va pouvoir intervenir. Animix, qui est le second festival de cinéma d'animation qui a lieu pendant le Salon du Livre de la Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis. Donc le Salon du Livre qui, je ne sais plus à combien d'éditions il est, mais ça fait très longtemps qu'il existe. Et donc ils ont lancé l'année dernière un festival d'animation qui est plus sur tout ce qui est adaptation, justement lien entre livre et animation et cinéma. Et donc là, pour ce deuxième festival... En outre donc les projections, on a des work in progress, dont alors la lecture du scénario, c'est comme un work in progress puisque finalement le long métrage est pas sorti. Donc la lecture du scénario de La Traversée avec Florence Maille et Marie Desplechin. Donc peut-être qu'Alexis qui va... Juste pour pas moi, j'étais voilà récemment, c'est moi qui vais animer donc à trois rencontres que je vais animer. Ça va pas être en entier. Il y a quelqu'un qui va venir lire. Des bouts de scénario. Après, c'est un projet qui est tellement intéressant, on se demande s'il va être réalisé un jour parce que c'est tellement compliqué, il coûte quand même 4 millions, 5 millions je crois d'euros, qui est dans la technique de Florence Millat et de la peinture animée, et on se demande un jour s'il va être réussi à être fait. Donc c'est intéressant au moins de venir et de le soutenir un petit peu, même si là il va avoir aussi un travail par rapport à Marie Desplechin, puisque je sais pas si elle a fait des choses pour enfants d'ailleurs, mais bon voilà. Là, c'est un peu étrange cet Animix, à la fois c'est intéressant, et à la fois c'est vrai qu'on sent qu'on surfe sur quelque chose, c'est plutôt bien pour nous, ça veut dire que l'animation est maintenant reconnue, ce qui fait que même un festival comme Montreuil, qui avait pas besoin de ça pour faire venir du monde, se dit, on va peut-être faire venir aussi des gens. Donc se rend compte à quel point aujourd'hui l'illustration, c'est-à-dire les gens qui font de l'animation, et qu'on s'est obligé de faire de l'illustration quasiment, et pourquoi pas aujourd'hui de plus en plus de gens qui font de l'illustration se lancent aussi dans l'animation. Donc il y a un pont entre les deux qui est intéressant pour l'animation, parce que les illustrateurs sont pas des animateurs, donc ils font des animations pas forcément très belles, mais des fois qui peuvent sortir du bide, enfin en tout cas voilà la volonté de le faire, donc c'est plutôt bien. Et surtout il va y avoir la sublime, incroyable rencontre mercredi avec... Alors, je sais pas, est-ce que tu parles de celle avec le réalisateur estonien ou celle avec la réalisatrice? Alors, je sais pas d'ailleurs pour le coup de quelle Anita Kili, tu parles de Anita Kili? Je parle en fait d'Émilie Mercier. Ah oui, Émilie Mercier. Bon, alors faut dire qu'ils ont tellement d'invités, ils ont énormément d'invités, et c'est vrai qu'on sent Émilie, mais bon, voilà, on sent le festival qui a une force de frappe derrière et qui peut vraiment inviter quand Florentine une force de frappe, c'est qu'elle a de l'argent. Oui. mais elle est déjà très politique, non, tu as une force de frappe derrière. C'est vrai qu'il y a beaucoup de festivals qui en ce moment tendent à disparaître ou ont de plus en plus de mal à boucler les budgets, et là pour Animix, j'étais étonnée, il y avait je lisais programme sur tel ou tel réalisateur en sa présence, et bon, pour le coup je vais peut-être parler du réalisateur estonien qui a fait un super film. Donc, Kaspar Jansis, je sais pas exactement si je le prononce bien, mais qui a fait donc Crocodile, qui était ça fait 2-3 ans maintenant qu'il est sorti, qui était au dernier Annecy il y a 2-3 ans, et qui fait des choses très intéressantes, qui était élève, qui c'est la même un peu école que Prix de Parne estonienne. Ouais, super bien en tout cas ce film est renversant. Et donc il y a aussi Anita Kili qui sera là pour présenter Cinnamon. Et alors j'avais noté qu'elle était interviewée par une journaliste de Télérama, Mareva Saravan. Donc il y a aussi pas mal de gens. Enfin, les réalisateurs sont présents, et en plus j'ai un petit diable qui me dit non, parle pas, Alexis, parle pas. Non, surtout ne parle pas. Les réalisateurs sont présents, mais en plus il y a des rencontres ou vraiment des tables rondes ou des échanges, et même un du fond entre guillemets, qui des gens qui parlent sur les films. Donc c'est intéressant aussi de mettre ça en avant. Et alors c'est intéressant parce qu'en plus c'est ouvert. Parce que là, je sais que moi, les trois rencontres que je vais faire, c'est pas ouvert c'est... qu'au grand public, c'est aussi pour. Non, mais c'est, alors justement, mais c'est bien aussi parce que c'est, il y a des scolaires qui sont enseignants. Là. Donc ça, voilà. C'est intéressant avec des enseignants, mais c'est aussi ouvert au public. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment la possibilité de voir justement ces gens qu'on fait parler peu, et c'est quand même des rencontres qui peuvent durer une demi-heure, 40 minutes. C'est pas juste 10 minutes à la fin. Donc il va y avoir vraiment une, enfin voilà, un vrai débat. Donc c'est, enfin c'est vraiment intéressant. Malheureusement, je peux pas faire celle d'Émilie Mercier puisque je serai ailleurs, mais Ennis fait l'équilibre. Mais c'est vrai que c'est super intéressant en tout cas. Faut voir. C'est en tout cas la deuxième édition, mais c'est vrai que faut suivre. Et bon, ils reçoivent entre autres aussi Jean-François Laguioni, donc le 3 décembre, et ce qui nous permet aussi de passer au Carrefour de l'animation où il sera également présent. Donc avec la sortie du tableau qui est sortie la semaine dernière, c'est vrai qu'il est un peu présent. Cette semaine, non ? C'est mercredi. Il sort mercredi là, exact. Et parce que et c'est vrai qu'il a eu beaucoup d'avant-premières, donc je sais plus trop. Et il est assez présent. Il était présent pour mon pré-festival et là il va être assez présent. Il est présent à Animix et donc au Carrefour de l'animation qui aura lieu du 1er au 4 décembre au Forum des Images. Donc c'est la 9e édition et c'est 4 journées de découverte dédiées au cinéma d'animation avec un bouquet un peu un feu d'artifice de plein de choses outre les films de fin d'études qui restent quand même le cœur du de la rencontre et de l'événement mais qui sont pour le coup moins présents qui passent un peu en second plan parce qu'on a quand même des avant-premières tous les soirs donc jeudi vendredi samedi dimanche à chaque fois on a un long métrage qui est projeté avec des avant-premières donc Krulik dans le Carmania. Oui voilà pardon. Non, allez voir Krulik, c'est super intéressant, c'est un film, voilà, par rapport à jeudi ce que soir. Je disais tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle donc un documentaire animé, c'est un film politique sur un Roumain qui est parti, qui était en Pologne, qui s'est fait interner, qui est resté là-bas, qui a fait une grève de la faim, qui est mort. Et en fait, on nous raconte son histoire, on le sait dès le début qu'il est mort, donc il n'y a pas du tout de, on cherche pas à avoir un suspense, justement, c'est très brut. Alors, la fin est un peu longue, l'animation est pas inintéressante, ça mélange plein de techniques et c'est un long métrage qui a coûté 300 000 euros, ce qui est absolument rien du tout. Et je vous promets que c'est pas mal aussi d'aller le voir, notamment les gens qui sont hors de l'anime, parce qu'évidemment ça c'est le genre de film qui passe dans un festival d'anime, en disant c'est intéressant mais l'anime est quand même légère. Et moi donc j'ai eu la chance de le voir donc dans ce festival d'animation en Moldavie. Et donc ce personnage vient de Moldavie, cet homme donc vient de Moldavie avant d'être parti en Roumanie. Hein, c'est deux pays qui sont frontaliers. Et les gens sont sortis vraiment complètement bouleversés en se disant juste c'est intéressant, les techniques différentes, on comprend le personnage différemment. Et c'est vrai que on se rend compte à quel point finalement de faire une belle anime des fois peut ne pas servir si l'histoire est suffisamment forte. Donc allez vraiment voir, je pense que c'est vraiment l'un des films qu'il faut aller voir parce qu'il y a peu de chance, ça serait exceptionnel qu'il sorte en salle alors qu'il faut espérer que les autres puissent sortir en salle. Alors oui, il y a aussi Tatsumi d'Eric Kou, mais alors, super bien aussi. Oui, il est super bien, mais alors, est-ce qu'il va sortir? C'est pareil, je suis pas sûr non plus qu'il sorte. Ouais, c'est vrai. Bon alors, Goodbye Mr. Christie de Film Uloy, il sortira en janvier par ED. Sauf qu'il y a Dead But Not Buried. Voilà, dernier. Et donc il y a la suite, voilà. Voilà, qui sortira pas a priori. Donc Film Uloy qui fait une trilogie de longs métrages autour des Christies, donc on a le droit aux deux épisodes, donc avec une avant-première du deuxième. Et il y a le dernier jour, A Letter to Momo de Hiroyuki Okiura. Non, je sais pas comment le prononcer, donc Alexis me fait des grands gestes. C'est parfait, c'est bon, non, c'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. Donc qui était le réalisateur de Jinro, c'est bien ça. Ce truc qui avait réalisé Jinro et qui est assez attendu. Donc au niveau des longs métrages, que des choses en tout cas attendues ou voilà un peu spéciales. Et alors en plus on a à côté des programmes des programmes spéciaux alors, sur l'animation polonaise avec des invités des Non, il y a Marek. Oui, et j'attends que vas-y, tu finisses. C'est juste énorme. Et non, donc, il va venir, aussi, c'est la première fois qu'il fait, il refuse de faire normalement des intégrales de son œuvre. Et Isabelle Vanini, donc, qui se bat et caressé, est partie là-bas, il y vient, et il va présenter une intégrale de son œuvre. Dis le nom du réalisateur, parce que j'arriverai pas à le dire. Non, parce que j'arriverai pas, Marek Skrobix. Oui, qui, enfin oui, voilà, je suis désolé pour son nom, il a fait. De toute façon, bon, le programme est en ligne. Il a fait voilà. Ishtis, truc complètement hallucinant, en volume d'une quinzaine de minutes avec un type qui part pêcher, enfin, il part dans une espèce d'île. C'est juste un bonheur, ce réalisateur, complètement barré, et c'est super intéressant. Il y a toute une rétrospective, Alexis, dis-le bien, sur les anciens polonais, il y a Piotr Dumala, il y a les meilleurs. Et sur aussi la nouvelle génération. Et sur la nouvelle génération, donc, c'est très juste intéressant, énorme. Ouais. Et aussi, donc, un premier message sur l'animation tunisienne. Alors voilà, donc juste deux minutes. J'avais dit jusqu'à 35, 37. Après, faut pas qu'on aille, qu'on ait un petit peu de temps quand même, voilà. Juste avant de d'en parler. Voilà, c'est absolument fondamental. Il va y avoir donc toute une journée qui va être reprise, notamment une séance qui va être reprise à Bru, au Festival de Bru, tu vas en parler, sur la révolution tunisienne et sur l'animation. Et c'est intéressant, c'est toujours un peu dans cette bataille, ben, encore une fois, par rapport au texte que j'ai dit au début, c'est cette nouvelle réalité, la réalité que peut apporter, d'un seul coup, l'animation. C'est-à-dire qu'on a des gens qui, évidemment, ne pouvaient pas demander à Ben Ali de participer à leur film et qui voulait évidemment le dégager. Donc une fois qu'il était dégagé, ben voilà, il était, hein, c'était, mais il fallait le représenter. Et on s'est dit, ils se sont dit, comment le représenter, comment nous parler de notre aujourd'hui, de ce qu'on vit tous les jours. Et d'un seul coup, il balance les films sur la réalité tunisienne d'un moment donné. C'est ce qu'on appelle un document. Alors voilà, c'est intéressant parce que ils balancent ça, ils s'en foutent de savoir si c'est bien animé ou pas bien animé. Ils savent qu'ils ont vu South Park, ce genre de choses. Donc ils prennent du papier découpé, ils découpent à la tête de Ben Ali, de Sarkozy et ce genre de choses, et ils les font parler entre eux. Et c'est super fort parce qu'en effet, c'est dans l'immédiateté finalement, et on va utiliser l'animation plutôt que la prise de vue réelle. Et ça, c'est absolument fascinant. On va avoir tout un long débat là-dessus, notamment le dimanche après-midi. Il va y avoir toute une journée avec une séance après avec Zouyer Majoub, qui est l'un des pionniers de l'animation tunisienne, et puis la nouvelle génération tunisienne. Et alors Plantu devait être là, il sera pas là parce qu'il est au Liban malheureusement. On parlera aussi de ce que font les Gobelins avec Plantu, à savoir de faire des films qui, comme je disais, reprennent l'idée de caricature et font un film d'animation par rapport à la première caricature. Et donc voir à quel point l'animation peut évidemment éminemment, au-delà même de ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'idée politique de l'imagination, là l'idée politique réellement au jour le jour. Donc ça devrait être assez passionnant. On va avoir plein de gens autour de la table et les gens qui ont créé notamment ces animations. Donc voilà. De toute façon, les 4 journées sont passionnantes. Enfin, je me disais, où est-ce que, enfin, à quel moment je peux ne pas y aller? Oui, c'est vrai que c'est très très dense et très intéressant en rencontre, en table ronde. Et à ne pas louper le samedi 3 décembre, je sais plus, c'est 17h30, je crois, j'avais noté, un double festa avec Bisclavret et Sumo. Il y a même d'autres choses dans la séance, mais voilà, ne pas louper parce que ben voilà, il n'est pas encore passé beaucoup, donc faut se précipiter. Il est passé pour l'instant en Belgique une fois, il est passé récemment dans le Nord, voilà. Lors d'une séance, mais c'est trop tard, ils sont passés, donc précipitez-vous. On va en parler évidemment avec Lorraine. Voilà, faut que tu prennes un micro, Lorraine, mais bon, voilà. Il faut que je poursuive, donc. Mais faut qu'on va laisser. Mais je vais rapidement donc passer sur 3 autres festivals qui sont en région. Donc il y a les Rencontres Internationales Henri Langlois, qui sont un festival concentré sur les films d'école et qui parle toujours de un peu d'animation. Et donc cette année il y a une séance spéciale sur l'école anglaise NFTS, donc National Film and Television School, dont est sorti notamment Nick Park. Et on a aussi un tout petit peu moins bien que l'année dernière, parce que l'année dernière il y avait moi, Marine et, voilà. Et deux autres étudiants. On a fait un super truc, c'était vachement bien. Ils auraient dû nous reprendre cette année, mais c'est un beau festival quand même. Voilà, allez-y de si la vous compète êtes à Poitiers. Et des focus aussi sur l'école d'animation qui se situe à Poitiers, donc voilà, certains focus très intéressants. Allez-y. Avec plein de films de cul sur. C'est ça. Comme toujours, avec plaisir. Donc ça, c'était à Poitiers. Et donc après, on a à Vendôme. Toujours, c'est du 2 au 11 décembre pour Poitiers. Au Festival du film de Vendôme, c'est du 2 au 9 décembre. C'est toujours à peu près les mêmes dates. Donc en région centre, le festival explore toujours le cinéma d'animation contemporain. Et là, on a pas mal de focus, dont une séance sur l'animation croate, par exemple, qui pourrait être intéressante. En tout cas, moi, je connais pas du tout. Donc, les projections de génériques animés, tout ce qui se fait en générique de films ou autres, de séries animées, une rétrospective, je suis bien content. Donc, on a reçu en septembre. Un focus sur l'ENSAD, un portrait de réalisateur avec François Vogel. Enfin, il y a plusieurs séances comme ça spéciales qui ont l'air d'être très intéressantes et qui sortent un peu, voilà, l'animation croate, pour le coup. C'est vrai. ça peut être passionnant. Et donc on va finir pour les festivals avec Bru, donc qui est du 7 au 13 décembre, donc juste à côté de Rennes. On sent qu'elle est à l'AFCA. Voilà. On va finir par Bru. On va avoir tout commencé par Bru. Différemment. J'aurais pu commencer par Bru. C'est quand même le Festival national du film d'animation qui en est donc à sa seconde édition sur Bru, mais 28e depuis sa création. Et donc qui propose une nouvelle fois une compétition de court-métrage de films étudiants français, des programmes spéciaux, donc panorama de l'animation suisse, la projection donc autour du printemps arabe qui est reprise, des cartes blanches notamment à Katsuka. Je veux dire un truc, et il y a Marine qui me fait non, arrête. Oui. Tu vas pouvoir dire, je finis. Et donc j'allais insister justement là encore sur les rencontres et sur les secrets de fabrication qui sont Des rencontres, un lieu privilégié pour parler et voir les techniques des différents réalisateurs. Et cette année, il y aura Anne-Laure Daffy et Léo Marchand. Il y aura Juliette Marchand. Elles ont le même nom de famille, mais c'est pas la même chose. Et ou encore Bruno Collet, qui est l'invité d'honneur, donc avec Juliette Marchand, qui présentera son film. Oui. X. Qui présentera en tout cas des morceaux de son film, des extraits et la technique qui est une technique en volume. Voilà. Et donc je voulais vraiment insister sur le fait que c'est un événement où on peut vraiment rencontrer plein de réalisateurs, plein d'étudiants surtout. Et une chose bien et une chose je râle et une chose qui est super bien. Oui, peux? Vas-y. Merci. Juste une chose qui est super bien, c'est qu'en plus de ça, vous avez... Voilà, évidemment, j'allais dire un truc bien et ça passe pas. Je vous promets, c'est le truc bien que j'allais dire. Ce n'est que bien, Bruce. Ce n'est que bien. Et donc, un truc qui est super bien, c'est qu'il y a aussi donc les séances à la maison, donc où les gens ou des réalisateurs vont chez les gens. Voilà, ils vont passer devant des écrans, soit des écrans télé ou quoi, vont discuter avec eux. Il y a une dizaine de personnes. On va chez vous. Si se fait avec les concerts, par exemple, on va chez vous, préparer à manger, vous invitez vos voisins à venir et puis vous rencontrez un réalisateur qui vous parle de son boulot. Et ça, je trouvais ça super intéressant parce que Denis Valgenwitz, président de l'AFCA et réalisateur évidemment, disait l'année dernière qu'il avait participé, c'était passionnant parce que les gens dans une salle de cinéma n'osent pas forcément poser des questions. Et là, d'un seul coup, ils sont chez eux, évidemment, donc on vient chez eux, donc ils ont le droit de poser des questions parce qu'ils sentent bien, évidemment, heureusement. Et donc, c'est plus facile pour eux. Et d'un seul coup, ils posent des questions, en effet, voilà, complètement différentes. On peut mettre un micro, en effet, Claire avait commencé à dire quelque chose. Et juste. Mais non, mais il fallait le dire tout à l'heure, mais comme ça, on l'entendra la prochaine fois. Et juste une toute petite chose, une petite déception. Il faudrait que Bru ne fasse pas la même bêtise qu'Annecy. Il faudrait arrêter. Il faudrait pas prendre un comité de sélection chaque année. Il faudrait présenter plus de films français cette année. C'est bien, hein, je trouve ça bien qu'ils présentent des films suisses, des films, mais c'est peut-être le seul endroit où on pourrait voir plein de films français. Alors je sais que le panorama, c'est énorme, mais un vrai panorama plus large, comme il se fait à Anima en Belgique, comme il se fait à Animest avec le festival roumain. Il y a plein de films qu'on peut pas voir. Il serait bien qu'on ait un vrai festival. Annecy pourra jamais le faire, c'est trop gros. Qu'on ait un vrai festival où en effet on est plein de films. Le choix pour l'instant a été de faire qu'une compétition et de supprimer tout ce qui était hors compète ou panorama. Et c'est un peu dommage parce que tu es pas pris. La compétition, c'était la politique fout. Du. Non, enfin on est content, je suppose. J'ai plein de réalisateurs autour de moi. Ça fait plaisir d'avoir des prix, mais c'est quand même bien de montrer son film. Claire, faut que tu parles C'est important quand même de que ces films soient montrés. Claire, vous savez même pas encore son nom. Non, mais pardon. Ben voilà, vous l'avez dit. Mais okay. Oui, c'est toujours mieux de passer dans un programme qui soit panorama ou qui s'appelle autrement hors compète, plutôt qu'il soit pas passé du tout. Ben voilà, donc toujours. C'est noté, Alexis. J'en parlerai aux autres pour la prochaine édition. En haut lieu. Donc j'attaque les projections diverses et variées. Alors, par où commencer? Le Forum des Images. Encore le Forum des Images. Juste pour dire qu'il y a l'avant-première du Chien du Tibet qui était passé à Annecy, mais bon, je peux quand même en parler. Donc, qui a un partenariat avec GBK. Le film va sortir le 22 février 2012 et c'est le même réalisateur qui avait fait Piano Forest. Donc, qui était. Mais pas du tout. Chien du Tibet était assez moyen. Piano Forest était bien. Chien du Tibet était mieux. Mais c'est normal, hein, c'est un chien comme. Disait Gab à l'instant, ça aurait été le chat du Tibet, ça aurait été un beau film. Voilà, c'est juste parce que j'aime les chats plus que les chats. Voilà, l'avant-première passe aucun intérêt, le 3 décembre. Je suis premier à le dire. Alors, je continue sur la Cinémathèque française. Qui finit son cycle, oui, finit son cycle, enfin c'est pour les jeunes spectateurs, bien sûr. Ah oui, tu m'as fait le arrête cycle de me faire peur comme le ça, cycle c'est de l'exposition qui est autour de l'exposition Métropolis voilà et qui passe des longs-métrages d'animation et les deux derniers du cycle c'est le Château dans le ciel et le Géant de fer voilà, oui, en plus, le 30 va, novembre Warner, le 4 décembre. Enfin voilà, c'est des gros trucs. Oui, mais c'est une Cinémathèque française, c'est bien de dire qu'il passe aussi de l'animation et de le pointer. Voilà, le studio des Ursulines. Il projette les films de fin d'études de l'ENSA 2011, donc les films de diplôme. C'est le 5 décembre à 18h30. Voilà, il y aura tous les réalisateurs, tous les étudiants présents. Par contre, c'est sur réservation, donc allez voir sur le site du studio des Ursulines si vous voulez y aller. On passe à un nouveau lieu. Enfin, en tout cas, on en avait parlé, mais pour l'instant, ils avaient encore pas fait de programmation. La Gaîté Lyrique. Alors. La Gaîté Lyrique, à partir du mercredi 7 décembre, donc il y a en fait un nouveau lieu dédié aux arts numériques, musique, autres. Mais tu peux parler, Alexis, t'es pas obligé de me regarder comme ça. Non, au contraire, je me disais, il faut. Non, justement. Donc, non, ils reçoivent le festival berlinois Pictoplasma, qui est aussi un festival un peu hybride, qui passe de l'animation, mais ça peut être aussi du jeu vidéo et autres des choses, nouvelles technologies. Et donc, Festival Berlinois Pictoplasma a sélectionné 90 films, 60 studios internationaux et a fait plusieurs programmes avec énormément d'animations dedans. Et donc, c'est Johanna Lurie, dont le film Le silence sous les corps fait partie de la programmation qui m'a donné cette info. Et c'est vrai que ce lieu est sûrement appelé à montrer de l'animation et ça peut être intéressant parce que c'est couplé avec une exposition sur Pictoplasma montre des choses faites par des plasticiens et autres, donc il y a des croisements possibles entre anime, musique, etc. qui peuvent être intéressants. Donc c'est à partir du 7 décembre et c'est dans le 3e à Paris. Là il y a la soirée, bref, je finis au MK2 Quai de Seine le mardi 13. Qui donc bref, magazine dédié au court-métrage. Voilà, dont le numéro 100 vient de paraître alors ça c'est pas en kiosque, hein, il faut le commander, dont le numéro 100, et vous pourrez avoir une interview croisée entre Florence Milla et le... Alors, j'ai déjà appelé le dinosaure, donc elle va me détester encore plus, mais c'est, voilà, celle qui est là. Non, mais j'ai déjà fait en direct, hein, donc je l'ai déjà dit en direct, donc voilà, en tout cas, celle qui a depuis des années, qui est l'une des meilleures réalisatrices en peinture animée qu'on a dans le monde entier, et voilà, c'est nous qui l'avons, génial, bravo et tout. Et une toute petite nouvelle qui arrive, qui a fait deux petits films super jolis, ouais. Florentine Grelier. Donc voilà, vous pouvez lire une interview de Florentine Grelier. Elle s'en veut parce que elle se dit c'est pas terrible, mais c'est pas super bien son interview. Donc lisez-la. Ça va tout le monde. On vous dérange pas. Bref, ils sortent des magazines, Florentine, mais ils font aussi des soirées. Et donc la prochaine soirée, le 13 décembre, il y a 5 courts-métrages, dont 2 d'animation, donc Contes de quartier de Florence Miaille et The External World de David Aurélie, qui avait donc appelé à polémique, et à voir peut-être sur grand écran. Je l'ai vu sur grand écran. Et ben, en tout cas, ceux qui ne l'ont pas vu, vous pouvez aller le voir. Et alors, on va finir le 16 décembre, et pour les autres petites annonces, vous verrez sur Internet. Je finis le 16 décembre avec Phil Mulloy, donc qui sera au studio des Ursulines, après avoir fait faux bond à la fête de l'anime, où il devait être là en octobre, il n'a pas pu venir. Finalement, il sera là, à 20h30, donc avec une rencontre après la diffusion de Goodbye Mr. Christie. Et le même soir, Croc Anime, qui a repris ses rencontres mensuelles, qui est rue Boyer à Paris, une association qui fait des ateliers et des rencontres diverses variées, un festival. On a reçu Sylvie. Voilà, Sylvie. Alors là, cette fois, c'est Benoît Sparer, je ne sais pas si on dit Spacher ou Sparer, qui est diplômé de l'ESSEC et qui va venir parler de l'animation japonaise autour du studio Ghibli. Alors, c'est quelque chose... c'est un nouveau venu dans la... Je regarde Alexis, il me fait des grands gestes. En tout cas, c'est on reçoit Ilan qui a la prochaine émission, qui est un peu le spécialiste d'animation japonaise. Et là, on va avoir un dieu vivant, tout à fait. Et là, on a un peu un nouveau venu, quelqu'un qui a monté une exposition, en tout cas autour d'archives et de documents de l'animation japonaise, et qui va venir exposer ces documents-là, qui va venir montrer des choses et en parler. Donc c'est intéressant de voir. Heureusement d'avoir aussi d'autres visions des choses et pas qu'une seule personne. Donc j'irai. Ben moi aussi. Voilà, tu peux prendre Sylvie, si t'écoutes, tu peux prendre, voilà. Tu peux réserver déjà, je serai là. Voilà. Voilà, moi de toute façon vous retrouverez tout comme il faut sur oui. Okay. Oui, je suis désolée, on était super dissipé, c'est pas très sympa. Après, moi, il faut dire qu'il y a tellement de choses en décembre, mais tant mieux s'il y a plein de choses. Je suis bien contente quand l'agenda est rempli. L'agenda Florentine, tu parles tout le temps, etc. Dis quand même que le samedi 3 décembre, on a une émission là, Radio Libertaire, qui vient. Oui, la semaine, je me fais mieux, la semaine prochaine, l'incroyable, l'extraordinaire Francis Gavel, avec qui j'aurai le bonheur et le plaisir de faire les apéro-terviews. On pourra se brûler la gueule en même temps qu'on interviewera les gens, c'est pas la première fois que je le fais, mais bon voilà, à Bru, où on interviewera plein de gens et avec Francis, donc c'est bien. Et Francis, la semaine prochaine, non, longtemps... Je me suis couché de bonne heure. Voilà, en plus, il sera super célèbre, Alexis. Et voilà, bravo. Aura la chance d'avoir Jacques Kermabon, rédacteur en chef de Bref, et surtout Denis Valkenwitz, n'écorche jamais le nom du président, le président de l'AFCA, l'Association française de cinéma d'animation. Voilà. Pour parler d'animation, donc 19h. Merci beaucoup, Florentine. Vous êtes toujours sur Bulle de Rêve, toujours sur Radio Libertaire, et on va faire une pause musicale où, vous allez voir, vous allez en bouffer aujourd'hui. Musique de Cliff Martinez. On va enchaîner, pareil, les deux morceaux. Donc là, le morceau s'appelle High Drive, du film Drive, bien sûr, et vous entendrez un petit morceau juste après. On écoute donc le morceau 4 et 5, je pense, à tout. Merci beaucoup, Nicolas. Thank you. Et voilà, c'est bien Radio Libertaire, c'est bien Bulle de Rêve en effet. Vous avez entendu un petit extrait donc d'une série Recto Verso. On va en parler un tout petit peu après, Gabriel. Alors, quand même, faut que je fasse un tour de table parce que j'ai pas présenté les invités. Ce qui n'est pas bien. On va commencer par Claire Trollet. Bonjour Claire. Bonjour. Voilà, faut que tu te mettes à côté du micro et faut que tu fais voilà. Mais non. Faut que je me mette près comme ça. Ouais, voilà. On t'entend. De toute façon, Nicolas nous dit si jamais on t'entend pas, il nous fera des grands gestes. On t'entend bien. Lorraine Bréban. Bonjour Lorraine. Bonjour. Samuel Guénolet, j'essaie de faire par... mais alors j'aurais dû faire ça différent. Samuel Guénolet, bonjour. Bonjour Alexis. Et Gabriel Jacquel. Bonjour. Et quelqu'un veut faire Gilles? Non, je plaisante Gilles. Tu fais très bien Gilles, mais bon, c'est normal. On va parler train-train, donc évidemment. On va parler tout à l'heure de la création. On reparlera un petit peu de justement aussi, bien sûr, de Gilles, qui, même s'il n'est pas là, il est avec nous quand même. C'est beau ce que je viens de dire. Ouais, je sais. Des années hein, de travail. On va commencer simplement. Est-ce que j'ai l'impression d'être autour d'une table, Marine qui est là, Marine Blin aussi a fait. Vous avez tous fait le diplôme du métier d'art à l'ESAT. Non. Pas toi, Samuel. Vas-y, Samuel. Toi, t'as fait quoi? Pourquoi t'es arrivé dans l'anime? Comment t'es arrivé? Alors, moi, j'ai fait mes études à Poitiers, à Lézy. Et puis ensuite, je suis arrivé dans le Nord. Parce que le Nord est vraiment un des grands lieux de l'animation française, hein, faut le dire. Donc je suis arrivé sur un film d'Arnaud Demain qui s'appelait Signe de vie. Et c'est là où j'ai rencontré une partie de l'équipe qui est actuellement le studio Train-Train. D'accord. Donc Lézy, tu l'as fait dans la section animation, c'est ça, ou parce que Poitiers, c'est alors il y a pas une section animation. On a je vais pas faire tout l'historique de Lézy, mais en gros il y a un diplôme en communication, un diplôme en art, et donc en communication, on a accès aux outils numériques, que ce soit la vidéo, l'animation et autres. Donc c'est là-bas que j'ai découvert un peu les techniques de l'image par image. Ok. Claire et Gabriel, vous avez fait tous les deux les SAT. Allez, 7. Avec Gilles, vous étiez dans la même année? Non. D'accord. Avec Gilles, oui. Enfin, moi, j'étais avec Gilles dans la première section de DMA, la première année que le DMA avait ouvert. Un DMA cinéma d'animation à Roubaix en 2 ans, une sorte voilà. de BTS. Voilà, donc, bon, on avait déjà fait une émission spéciale sur les DMA. Florentine, elle vient d'un autre DMA qui est celui de Sainte-Geneviève où elle donne des cours aujourd'hui. ouais, faites attention, Florentine prend des photos pour ensuite mettre sur le site. Donc voilà, faut faire comme si de rien n'était. Donc voilà, donc le DMA, toi, on va commencer par Claire. Une question, c'est normal. Toi, t'as fait le DMA. Et ouais. En sortant du DMA, t'es bossé directement Oui, quasiment tout de suite. En fait, je suis partie pendant 6 mois à Gand, où j'étais avec le programme Erasmus. Il y avait un échange et j'ai suivi là-bas les cours de. C'était pas vraiment des cours, c'était plutôt des ateliers au casque de Gand. Alors, faut pas me demander ce que ça veut dire casque, parce que je m'en souviens plus, malheureusement. C'est K-A-S-K. Ouais, voilà. C'est K-A-S-K. K-A-S-K. C'est une grosse école d'art qui forme plutôt des réalisateurs, on va dire. Plus que des techniciens. C'est l'une des deux grosses écoles, même, au niveau voilà. de l'animation de la Cambre. Belgique, ouais. Sauf qu'elle qui a été montée par Raoul Servet, en fait. D'accord. Et sauf qu'elle est pas du tout, elle est, ça y est, la honte à moi. Comment ça s'appelle l'autre? Flamand, c'est ça? Oui, c'est en Flandre. Je suis désolé, c'est un peu la honte là, j'avoue. C'est oui, c'est en direct, on ne peut pas faire autrement dans ce cas-là. Mais donc c'est ça, hein, ça, il parle que... Voilà. Okay. Voilà. Et donc, ok. Donc en fait, j'ai fait... oui, je suis restée 5-6 mois. Et ensuite, j'ai enchaîné sur un stage que j'ai trouvé par le biais d'Arnaud Demain que j'avais rencontré D'accord. à l'ESAT lors de la journée professionnelle en fin d'année. D'accord. Voilà. Ok, d'accord. Voilà. Non, mais après, on va passer justement à tout ce qui mais est. Mais bon, ouais, sans rentrer dans les détails. Toi, Gabriel, donc toi moi, à la sortie de l'ESAT. C'était le même parcours que Claire, en fait. J'ai fait juste après le DMA, j'étais au casque pendant 6 mois. Et comme j'avais rencontré Arnaud avant, il m'a proposé de réaliser, en fait, mon projet de fin d'études. Et à ce moment-là, en fait, comme j'étais encore étudiant, je lui ai dit que c'était pas possible, mais que je pouvais faire un stage. Donc j'ai fait un stage avec lui sur ses premières prods, enfin, quasiment les premières prods d'animation, mais on en parlera après, quoi. Mais c'est le même parcours que Claire. Et le projet, on va en parler, le projet de fin d'études, c'était déjà... C'était Recto Verso. C'était déjà Recto Verso, donc ouais. on va parler après. Ouais. Bon, Lorraine, toi, t'es venu à Train-Train un petit peu après, donc on va parler de Sumo Plus et de ton parcours à la fin. Mais toi aussi, t'es un peu... C'est peut-être pour ça que tu étais un train-train, un peu particulière, parce qu'en fait, tu n'as pas fait l'école. Non, mais tu n'as pas fait toi aussi, tu fais partie d'une des rares, en fait, qui est sortie récemment, en fait, finalement, de l'ESAT. J'ai travaillé directement après les études, quoi. Enfin, les petites études d'IDMA sont continues après. Voilà, alors donc, que. Voilà. Des gens comme Marine Blin qui se cage en son coin, elle en est à sa 18e année d'école. Et c'est pas fini. De cinéma. Et c'est loin d'être fini. Étudiant parce qu'après, elle pense refaire une DM, un DMA un peu plus tard. Mais c'est très bien d'être étudiant en vie. C'est très bien d'être étudiant. On pourra en parler. On va en parler. Donc voilà, c'était pour faire un petit tour. On peut parler, évidemment, c'est pas parce qu'il n'est pas là. On va parler. Gilles, lui, qui veut lire, a fait les SAT comme vous. Le DMA, lui, est parti au Gobelin. Et lui, ça, la petite histoire, c'est que bah, vous connaissiez bien et t'as appelé, c'est ça. Oui, en fait, bah, normalement, même, enfin, j'avais fait aussi le concours des Gobelins, etc. Moi, j'ai pas été pris, en fait. Donc, du coup, j'ai travaillé plus vite que Gilles. Et en fait, quand il était au Gobelin, il cherchait un stage, il m'a appelé et puis il est venu en stage au Film du Nord, en fait, travailler sur Les Fables en délire, je crois, le deuxième épisode ou première. Enfin, je sais plus exactement lequel. Mais voilà, quoi. D'accord. Alors, donc. Là, on a le début. Est-ce que juste, en un mot, vous pouvez nous dire pourquoi tous vous avez choisi le cinéma d'animation, Claire ? Alors pourquoi en fait, je l'ai pas. Pardon. Je le micro. Je l'ai pas. Disons que je l'ai pas vraiment choisi. C'est un peu comme si c'était venu, comme si c'était venu à moi. Moi, je suis arrivée au cinéma d'animation par le dessin. J'avais toujours dessiné, et puis je suis arrivée. Comment c'est arrivé? Ben, simplement en découvrant des films quand j'étais petite. Voilà, j'ai vu des films. Je me souviens, par exemple, il y a des choses qui m'ont vraiment marquée. C'est d'avoir vu Les Oiseaux quand j'étais en classe de quatrième, où la prof nous avait distribué le storyboard. Et moi, voilà, c'est des choses comme ça qui m'ont marquée dans le mouvement, quoi. Mais c'est pas spécialement l'animation qui était le point de départ. C'était vraiment plus le dessin, quoi. Et donc, pourquoi d'un seul coup le DMA, pourquoi justement? Parce que après, à force de, quand on voit des choses et tout ça, après j'ai découvert, voilà, ces gros mythes quand j'étais adolescente et tout ça, c'est ce genre de film qui m'a amené à l'animation finalement, quoi. C'est drôle, tu parles d'un film en volume. Bah tu oui. Dis que tu viens du bah dessin oui, et finalement tu parles d'un volume, donc oui, c'est vraiment l'idée de cinéma aussi et de film. Mais avec du dessin, ouais. Toi, Samuel? Alors moi, à la base, j'étais pas du tout, dans le cadre de mes études, j'étais pas du tout orienté vers l'animation, mais allez-y justement, où comme dans pas mal d'écoles, l'audiovisuel nous propose un énorme panel de techniques. J'ai découvert ça et je trouvais ça plutôt sympathique, même si dans cette formation-là, on n'a pas vraiment l'occasion d'apprendre les techniques classiques de l'animation. Donc c'est vraiment après l'école où j'ai eu ce stage au Film du Nord où j'ai réellement mis la main à la pâte. Et l'avantage de travailler dans le court-métrage, c'est que chaque film, on en reparlera après, mais permet de découvrir une technique différente et de fil en aiguille. J'ai vraiment... c'est vraiment devenu une passion, alors que en arrivant dans les études d'audiovisuel, je savais même pas, je m'étais jamais posé la question sur comment se fabrique un film d'anime, quoi. Et toi, Auriel, c'est parce que là on a donc deux cas qui en fait viennent à l'animation finalement assez tard. Est-ce que toi c'était plus évident ou Moi en fait ce qui s'est passé c'est que à l'origine je voulais faire de la bande dessinée. Très tôt, même au collège déjà, je me posais ces questions-là et en fait du coup ma prof d'art plastique m'a conseillé d'aller à l'ESAT. Faire mon lycée. C'est-à-dire qu'avant le DMA, j'ai fait mon lycée à l'ESAT. Et c'est là que, comme j'étais fan de tout ce qui est manga, etc., enfin Dragon Ball et tout, j'étais super fan. Du coup, je voulais faire de la bande dessinée et c'est en arrivant au DMA que j'ai. Ma première fois où j'étais à Annecy, en fait, même avant le DMA, là j'ai découvert tout ce que je pouvais faire, tout ce qui était possible en animation et ça m'a passionné. Même si l'animation me plaisait beaucoup parce que. Je me souviens encore avoir vu les LD de Laserdisc, oui, pardon. Les Laserdisc de... Pour ceux qui connaissent pas, c'était entre la VHS et le DVD. Ouais. Voilà, c'est les gros disques. Pour les plus jeunes. Des LD de Totoro, des trucs comme ça que je découvrais en fait, non sous-titrés. Donc j'étais fan d'animation. Mais à l'origine, je voulais faire de la bande dessinée. J'ai une question, on va le dire, si vous avez été juste tout en bas de l'article de The Web Anime, juste en bas, vous avez une ligne à un moment donné, c'est le deuxième bonus, et vous allez voir un film qu'a fait Gabriel sur les 25 ans de Zelda. Et comme ça, vaut mieux le dire dès maintenant, comme ça c'est fait. Ouais. C'est un gros joueur de jeux vidéo. Oui, c'est voilà, j'ai pas voulu employer le mot geek, parce que c'est un peu facile, et parce que je pense qu'il n'est pas complètement, enfin voilà, même s'il y a de ouais, ça aussi. Ça ne me dérange pas. Voilà, mais c'est un peu péjoratif, alors que bon, pourquoi pas, ça peut être... voilà, donc... Il n'y a pas une envie d'aller vers le jeu vidéo ? Pas particulièrement, même si ça fait partie de mes passions, c'est sûr. Mais pourquoi pas à l'avenir faire quelque chose qui soit lié au jeu vidéo ? Enfin, de toute façon, dans mon projet de série, il y a une ouverture là-dessus dans le multimédia, surtout maintenant, il y a plein de possibilités. Donc c'est quelque chose que j'aimerais bien faire un jour, mais c'était à l'origine, c'était vraiment la bande dessinée. Voilà. Lorraine ? Alors moi, je crois que depuis toujours, je voulais faire du dessin animé. Ça a été vraiment le fil conducteur. Et pourtant, je me suis rendu compte, quand je suis arrivée à l'ESAT ou commencer mes études, que j'y connaissais mais strictement rien. Que les seuls trucs que j'avais vus, c'était les dessins animés qu'on voit et Miyazaki, que j'ai vraiment connu très petite et vraiment par hasard. Et j'étais complètement fascinée par l'image animée, mais avec vraiment ce qu'on nous donnait à voir. Je me suis rendu compte que j'avais pas vraiment de curiosité avant tard, quoi. Mais par contre, ouais, dessin animé tout de suite. Puis bon, j'étais très animation japonaise, hein, quand même, en pré-ado. Ouais, puis le cinéma aussi. Et le cinéma en général. Mais ce qui est marrant, c'est que je me suis rendu compte, à l'ESAT, que justement, j'avais pas été suffisamment curieuse. Et pourtant, mais c'était évident, par contre, dès le départ, quoi. Et c'est vrai qu'en reculant, je me suis jamais vraiment tellement posé la question de faire autre chose, quoi. À part les jeux vidéo, pareil. mais les jeux vidéo, c'était plus parce que j'étais énervée par les scénars des jeux vidéo et je voulais faire le mien, mais c'était bête. Gamine. Voilà. On parlera pas, j'ai pas mis, j'aurais pu mettre un générique de la guerre des étoiles parce que. Je suis une fan absolue de Star Wars, mais c'est comment dire, c'est affectif. J'ai pas de raison particulière. Mais c'est le premier film que je pense que j'ai vu toute petite et du coup ça enlève toute objectivité, on va dire. Donc voilà. T'es pas loin du micro, Marine. Marine, quoi. C'est toi, Marine. Donc voilà, Marine Blin, donc vous avez déjà entendu. Bonjour, Marine. On t'a pas entendu. Non, juste parce que t'es là, en effet. Et après, donc, toi, les SAT, l'MK, t'es déjà venu nous en parler. Maintenant, la poudrière, ça se passe bien déjà? Oui, oui, ça se passe très très bien. Bon. Je suis très heureuse d'être là-bas. Bon, tu nous en parleras. Je devais lancer quelque chose que j'avais dit à l'antenne. Je promets, je vais le faire. J'ai eu un début d'année un petit peu chargé, mais je vous promets, je vais le faire. Où Marine notamment et d'autres personnes vont nous parler un petit peu de leur année comme ça à l'école. Et je veux vraiment le faire. J'ai pas eu le temps de le faire, mais je veux le faire parce que c'est voilà. Je trouve que c'est intéressant justement pour bien comprendre pourquoi des fois et les différents chemins qu'on peut avoir au niveau de l'animation. Pourquoi toi, t'as eu envie de faire de l'anime? L'animation, c'est venu assez tard en fait, et un peu comme Claire, je suis plutôt partie du dessin, et j'avais vraiment envie de faire des études dans le dessin, et c'est en mise à niveau en fait quand j'étais à Estienne que j'ai commencé à m'intéresser un peu au DMA de cinéma d'animation, et en faisant des portes ouvertes, je suis allée à l'ESAT, et j'ai vraiment été happée par l'école, j'avais vraiment envie d'aller faire cette formation-là, et au final, c'est plutôt en faisant la première formation que j'ai vraiment compris que c'était ça que j'avais envie de faire, et donc du coup que je continue à faire le tour de toutes les écoles françaises d'animation. Voilà. Bon, et puis comme ça, ça me permet de poser la question, Florentine. Toi, on t'entend tout le temps, vas-y, pour faire les agendas, mais pourquoi, c'est quoi ton envie? Moi aussi, c'est venu tardivement, en tout cas, après le lycée, au début, je voulais être peintre. Voilà, j'allais dans des expositions à Paris, je pleurais devant les tableaux en me disant je veux être peintre. C'était très côté très fusionnel, adolescent. Et en fait comme j'avais fait un lycée général, j'ai fait donc une mise à niveau en art appliqué où on voit un peu de tout, et comme dans la section à Sainte-Geneviève le DMA se montait, je m'y suis intéressée, et du moment que j'ai commencé à juste lever un peu le voile sur l'animation et à m'y intéresser, et que je me suis aperçue de toutes les possibilités qu'il y avait, c'était mieux que la peinture, que tout. Et je me suis aperçue rétrospectivement que j'avais vu beaucoup d'animations quand j'étais petite, et que j'avais vu Gary Bardeen ou d'autres déjà courts-métrages d'auteurs quand j'étais petite, et que ça m'avait marqué. Donc j'avais vu beaucoup d'animations, mais je m'étais pas dit tout ça c'est de l'animation. Je faisais pas forcément la différence entre animation et prise de vue réelle, c'était du film ou de la série, quoi. Mais voilà. J'ai une question qui vient juste de me venir en tête et donc il faut vite que je reprenne par rapport au jeu, parce que d'un seul coup cette question je la poserai tout à l'heure, sinon ça n'aurait pas d'intérêt. Est-ce que vous rappelez, on a deux personnes, donc Lorraine et Gabriel, qui ont eu un projet de fin d'études, qui l'ont continué et qui l'ont même, voilà, qu'on en fait un cours. Est-ce que vous vous rappelez, Claire, de toi, de ton projet de oui, fin je d'année m'en souviens bien, ouais. Est-ce que c'est quelque chose que, pourquoi ça s'est pas continué? C'est quelque chose que tu as toujours en tête ou non? Non, du tout. C'était quoi? C'était complètement immature de toute façon. C'était quoi? c'était une adaptation d'un poème de Prévert. Je sais même plus comment il s'appelle d'ailleurs. Bref. Le café, un truc comme ça. j'ai oublié. C'était pas du tout. Il y a jamais été question que je le continue. Je préférais repartir d'autres choses. Quoi. Évidemment, Marine n'a pas. Et toi, Marine, ton projet de fin d'études, c'était quoi? Alessat. C'était un projet de série autour d'un rouleau de scotch homosexuel loser. Et alors, pourquoi tu l'as pas continué? Vous l'avez fait à deux? On l'a fait à deux. C'était un projet vraiment pour apprendre à travailler à deux. On avait pensé un peu l'univers et pensé le pilote. Mais bon, après, on s'est jamais dit qu'il y avait une réelle faisabilité de la chose. Et puis, comme on n'a pas continué toutes les deux sur les mêmes chemins, forcément, c'était un peu compliqué de reprendre le projet. C'était une super expérience. Et celui de l'MK, il en est où? Et celui de l'MK. Ouais, je sais, je profite de mon émission pour dire des choses comme ça. Mais, oui, je sais, en plus, on en direct. Non, mais il faut savoir dire les choses. Oui, c'est... Il va être fini normalement pour la fin de l'année. Là, il est en remontage. D'accord. Voilà. Bon, ben, on a hâte de voir ça. Vous pouvez voir les choses de Marine. C'était pas sûr qu'elle soit là, donc je l'ai pas mis sur internet. C'est quoi déjà ton t'as une chaîne en Vimeo, t'avais mis des choses ou t'as quoi? Marine Blin. Tout simplement, on tape Marine Blin et on tombe et vous verrez des choses qu'a fait Marine Blin, B-L-I-N. Et toi, allez-y. Il y avait tu disais que t'étais pas, il y avait quand même, t'avais un projet. Oui, alors moi donc allez-y. J'avais fait un film en mi-parcours, on va dire en troisième année, qui était un petit film. Autour d'un petit garçon qui démonte tout, ses jouets et tout ça, jusqu'au jour où il décide de démonter sa grand-mère. Bon, ça, c'était un petit projet qui avait pas tellement de... Comment dire? C'était surtout pour pratiquer l'animation. Et après, en cinquième année, là, c'était un projet un peu plus conséquent, où là, comme c'est pareil, je savais pas que choisir comme type de travail, j'avais mêlé du tournage live avec de l'animation. Alors, je sais pas, il y a probablement un peu de mise en abîme, peut-être parce que quand on est étudiant, on cogite beaucoup sur sa situation. Et donc, l'histoire du film, c'était un jeune qui était sur un projet de film. Et le problème, c'est que son propriétaire, le jour où il est venu chercher un loyer, a découvert ça et a voulu absolument participer à la fabrication, et à tel point qu'il est venu s'immiscer dans le projet, même les moments où le jeune n'était pas à l'appart, et a foutu un petit peu la zone dans le projet de l'étudiant. Et en plus, comme cet étudiant faisait un film sur l'histoire d'un tueur, il y a eu un moment où l'histoire du film a rebondi sur l'histoire de l'étudiant. C'était un petit peu compliqué, mais n'ayant pas beaucoup pratiqué l'animation, j'avais surtout orienté le film sur du tournage. Et c'est vrai que pour revenir, moi, à comment je suis venu dans l'animation, c'est vraiment en faisant que j'ai découvert à quel point c'était passionnant de travailler cette technique. On va parler, alors on va en parler évidemment de cette pas problématique, en tout cas d'intérêt avec les films du Nord. Les films du Nord, donc Société d'Arnaud Demoing, qu'on a déjà parlé. Je sais pas si on a reçu Arnaud Demoing ici. Ce sera intéressant de le recevoir. Quelqu'un qui faisait de la prise de vue réelle. Il nous en parlera, j'espère, s'il vient. Prise de vue réelle, distance dans l'animation. C'est devenu aujourd'hui l'un des noms importants. Il produit avec plein de gens. Vous rappelez qui de vous trois est rentré le premier au film du Nord? C'est moi. C'est Gabriel. Ouais. Arnaud était venu à l'ESAT, ouais. À l'ESAT pour présenter la société, parce qu'à ce moment-là, il était sur le point de produire le film de Virginie Bourdin, qui est un film en volume qui s'appelle La femme papillon. Et c'était un de ses premiers films d'animation. Et il était venu présenter ce projet-là, sachant que Virginie Bourdin est une ancienne de l'ESAT aussi, donc et qui intervient aussi en tant que prof à l'ESAT. Et je me souviens de cette intervention parce qu'il avait présenté ça en disant, bon bah voilà, c'est une ancienne étudiante de l'ESAT, on va faire un film en volume et tout. Et puis moi directement j'avais dit, bah justement je suis un très bon réalisateur. c'est notre première rencontre. D'accord. Et comme ça il m'avait un peu... Wow. Il m'avait remarqué. Quoi. Oui, je lui ai dit ça. Ouais. Donc, c'est une blague. Non, mais comme quoi, c'est plutôt pas mal. Faut pas hésiter. Si vous avez un producteur en face de vous, bah, j'ai un peu, ouais. J'ai un peu une grande gueule, donc en fait, ouais. C'est bien. Non, mais c'est bien. Voilà. Et en fait, du coup, après, ce qui s'est passé, c'est que à la fin d'année, quand j'ai présenté Recto Verso, je me souviens qu'il est venu à la journée professionnelle. C'est une journée où en fait les professionnels viennent voir les projets des étudiants. Il était venu avec son équipe de Liège. Les frères Humet, qui s'occupaient des effets spéciaux justement sur le film et tout, et ils avaient remarqué donc le film Mon projet Recto Verso. Et en fait, Arnaud, après, je l'ai revu au Imagicien à Valenciennes, donc très peu de temps après, quand j'étais déjà un peu à Gand. Et c'est là qu'il vient me voir et dit, oui, tu te souviens de moi, je suis Arnaud, je suis le producteur, tout ça, ton film, en fait, il m'intéresserait, j'aimerais bien le produire. Et là, je lui ai dit non. Ok. Super. Je sais pas s'il faut suivre tout ce que dit. Mais en fait, bon, c'est intéressant. En gros, je lui ai dit non parce que j'étais étudiant et que j'avais un stage à trouver, et que je pouvais pas quitter l'école parce que j'aurais pris la place de quelqu'un. Donc j'aimerais bien qu'on se rencontre, qu'on travaille ensemble peut-être par le biais d'un stage, et comme suite, si on voit qu'on s'entend bien, peut-être qu'on pourrait travailler ensemble. Voilà. D'accord. Et du coup, j'ai fait un stage pendant 6 mois où j'ai commencé sur La Femme Papillon. J'ai fait du model sheet, etc. Et après, je suis parti à Liège. Longtemps à Liège pour faire le film Square Queen, où là en fait j'étais stagiaire, mais vu que c'était une jeune équipe, on n'était pas très nombreux, on devait être 2 ou 3 à faire l'animation avec Cécilia Marais-Rosmaroum, qui est une autre réalisatrice belge. Et du coup j'ai pris en charge pas mal de choses sur ce film, même en étant stagiaire, d'organisation, etc., tout ça. Et comme ça a bien marché, Arnaud lui montait son studio à ce moment-là, il m'a rappelé du coup pour travailler avec lui. Donc là, embauché, donc au film du Nord. Voilà. Toi, Claire, pardon, tu te rappelles de donc exactement hein, du premier film sur lequel tu as travaillé au film du Nord, tu as été engagée, c'était aussi. C'est pareil passé. En fait, j'ai rencontré Arnaud lors donc, de la ça, ouais, journée quoi. Professionnelle. Pareil à la fin de l'année. La même année, non, pas la même année. L'année d'après, donc, puisque vous n'étiez pas. Voilà. Un an après ou 2 ans après, je ne sais plus parce que j'ai redoublé. C'est bien de dire que t'as redoublé. Regarde, maintenant, voilà, t'as un studio. Ouais. Attends, comme quoi, hein. C'est pas grave de redoubler. Quel rapport. Mais si, c'est important, ça. La peur, j'avais beaucoup d'étudiants, d'avoir la peur de louper ou d'avoir la peur, et au contraire, on peut très bien. J'ai redoublé aussi. De redoubler, ça peut. C'est pas une faillite, on va dire. Voilà. Et donc voilà, c'est pareil que Gabriel, c'était à cette occasion-là que j'ai rencontré Arnaud, et lui en fait ce qu'il aimait bien c'était le style graphique que j'avais utilisé dans mon projet professionnel à l'époque. Et c'est pour ça qu'il souhaitait me faire travailler sur son film. Il avait déjà en tête l'idée de me faire travailler, je crois, sur son film qui était À l'ombre du voile. D'accord. Enfin, qui allait devenir. Okay. Hein. Et mais il me semble que c'est ça. Après, je me trompe peut-être. Hein, mais et donc, tu me demandais quoi, pardon ? Quel est le premier film sur lequel j'ai travaillé. Non, c'était un stage. Ouais, d'accord. C'était un stage, et si je me souviens bien, c'était le deuxième film de Cécilia. Non, pas son deuxième. C'était pas sur vos papiers que tu étais en stage ? Non, c'était sur Lunola, un petit naturaliste, ouais. De Cécilia Marais-Rosmaroum, sur lequel j'ai travaillé aussi avec Samuel. Et puis aussi, oui, il y a une partie de mon stage où on a travaillé aussi d'ailleurs sur vos papiers de Claire Fouquet. C'était un film à l'aquarelle. Voilà. Ça s'est passé comme ça. Et toi, Samuel, donc tu disais que t'étais arrivé, enfin. Donc, Alors moi, c'était un stage, mais c'était pas un stage dans le cadre des études. C'était parce que, comme souvent, c'est difficile après les études de tout de suite trouver un contrat. Arnaud cherchait des stagiaires pour son film Signe de vie, donc j'ai travaillé 6 mois dessus. Et puis suite à ça, comme lui démarrait aussi pas mal de prod simultanés, il a eu besoin d'animateurs. Enfin, au début c'était plutôt assistant animateur ou coloriste ou autre. Et donc après voilà, je suis resté dans le Nord pour enchaîner sur d'autres projets d'anime. Quand j'ai préparé l'émission, je me suis dit. Avec le temps qu'on a, parler en fait en détail des films du Nord, ce sera vraiment trop compliqué parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à dire et qu'évidemment là voilà on va être en train, mais même vous par rapport à finalement ce que, comme tu disais Samuel, vous avez travaillé sur des choses complètement différentes. Quand Gabriel, tu dis que tu as commencé sur La Femme Papillon qui est en volume, ensuite travaillé sur des styles et avec des styles complètement différents, c'est-à-dire entre Les Fables en délire ou Lunolin ou Signe de vie, ou enfin c'est des styles complètement différents. Comment se passait, je sais pas, peut-être qui veut commencer par après, comment se passait le travail? C'est-à-dire vous étiez tous sur tous les films, vous aviez des postes différents à chaque fois, parce que à part toi Gabriel qui va réaliser Recto Verso, vous avez quoi, vous avez été tous, c'était dans l'animation, non, vous travaillez sur d'autres postes, je sais pas. Samuel, toi? Bah moi la vision que j'ai, c'est que il a fallu pas mal de temps pour qu'on arrive à connaître nos propres capacités, et puis surtout on a énormément évolué. C'est vrai qu'au début Gilles et Gabriel, qui sont les premiers à être arrivés et qui avaient déjà une bonne expérience de l'animation, prenaient, on va dire, avaient les postes de, enfin ils géraient le projet à la fois au niveau technique et à la fois ils géraient l'équipe. Donc en fait les postes ont été, enfin c'est comme ça que je vois, Gabriel, tu peux préciser, ils distribuaient un peu les postes en fonction des besoins et en fonction de ce qu'on était capable de faire. Et puis voilà, petit à petit, l'équipe étant quand même assez réduite, on a pu changer de poste même au cours d'un même film. C'est-à-dire que sur certains films, on a fait un peu de décor, un peu d'inter. C'est vraiment l'avantage qu'on a sur du court-métrage, que j'imagine il n'y a pas vraiment sur du long, où les postes sont beaucoup plus déterminés d'un bout à l'autre du film. Voilà, après... C'était là, Gabriel, puisque ouais, c'était là une des forces peut-être des films du Nord, pour vous en tout cas, dans votre dans le travail là-bas, c'était d'être à plusieurs postes, toi déjà de pouvoir commencer à travailler en tant qu'assistant réalisateur. Bah, très vite, en tout cas. C'est vrai que très vite, j'ai eu le poste d'assistant réalisateur sur pas mal de films. C'est vrai que sur le portefeuille, je crois que c'est le premier film sur lequel j'étais assistant réalisateur. Et c'est vrai que du coup, devoir gérer une équipe, etc., c'est des choses que je pensais pas faire aussi rapidement. Même faire de l'animation telle que je l'ai faite en sortant d'école, je pensais pas le faire tout de suite. Je me souviens même à un moment donné avec Gilles, on rigolait de ça, parce que en fin d'études, quoi, on avait des projets en commun et tout, et on se disait ouais, bon, on va commencer à travailler dans des grosses boîtes, etc., faire des choses et tout, et ce serait bien qu'un jour on se retrouve pour travailler sur nos films. Et en fait, bah, on l'a fait dès le début. Et c'est une énorme chance qu'on a eue grâce à Arnaud, qui, à ce moment-là, montait son studio d'animation et qui avait énormément de productions. On enchaînait les films, on en faisait 2-3 par an, etc. Et c'est vrai que du coup, avec les équipes polyvalentes qu'on avait, on pouvait vraiment travailler dans différents domaines, et c'était bien, quoi. Enfin, c'est pour ça aussi que je suis content de vous avoir. C'est vrai, comme je disais, c'est que, en fait, vous avez un parcours, vous avez on va dire un peu de chance, parce qu'il y a sûrement le talent, enfin en tout cas voilà, qui est derrière pour faire ça, mais il y a quand même une chance de tomber finalement dans un producteur de court métrage au bon moment qui commence et d'arriver. Claire, une question super de novice pour les gens quoi, super novice, je parlais pas des novices pour les gens qui connaissent vraiment pas l'animation, viennent dire de travailler sur des projets complètement différents. Est-ce que c'est facile pour quelqu'un qui a un style sûrement déjà un petit peu, comme tu le disais, il était Arnaud Demoin, qui arrive, voit ton style graphique, ça l'intéresse de travailler sur des choses aussi différentes que Signe de vie ou Lunolin ou ce genre de choses comme ça? Est-ce que c'est quelque chose qui est d'une évidence au niveau du travail? C'est évidemment le travail de l'animateur. Oui, c'est ça, c'est un travail en fait, c'est un travail d'adaptation, et c'est aussi le boulot de l'animateur de se prêter au style graphique du réalisateur pour lequel il travaille. Donc c'est pas... je sais pas qu'est-ce que tu... Pardon, non mais c'est pas facile. Il y a plein de gens qui connaissent pas du tout le monde de l'animation, qui nous écoutent, et c'est juste dire... C'est pas toujours évident, mais ça fait partie du boulot, quoi. De réussir à s'adapter. Enfin, je sais pas si ça répond à ta question ou pas. Non, mais c'est vrai que notre travail, c'est de faire en sorte que le spectateur ne se rende pas compte qu'on est 4 animateurs sur le film, quoi. Oui, voilà, c'était juste pour parler un petit peu. Mais c'est vrai que c'est pas évident. C'est pas évident. Il y a certaines personnes qui y arrivent pas. De se dire, voilà, Cécilia, elle avait du mal, par exemple, de s'adapter. C'est la réalisatrice de Bonhomme et Lunolin. Quand elle travaillait sur d'autres projets, elle me l'a dit. De toute façon, elle avait du mal, en fait, à adapter son style. Puis c'est intéressant, à faire autre chose, en fait, que son style. Je suppose que quelqu'un, quoi. On va pas parler. C'est vrai que graphiquement, je vais pas vous lancer là-dessus, mais c'est vrai que, enfin, encore une fois, quand on regarde les films du Nord, pour ceux qui regardent les films du Nord, il y a une chaîne YouTube des films du Nord. On en parlait tout à l'heure, entre les fables en délire ou Signe de vie. C'est juste. Oui, il y a un grand écart. Enfin, y a, voilà, c'est même plus qu'un grand écart, c'est énorme. Donc c'est étonnant de se dire, voilà, vous avez tous travaillé sur les deux projets, par exemple, l'une ou l'un. En effet, pour des gens qui ne connaissent pas, c'est peut-être pas évident de se dire, mais comment on fait pour vite changer son, son trait et correspondre finalement à ce que veut le réalisateur. Alors après, il y a aussi... on doit trouver la méthode... et c'est vrai qu'au fil des films, on a changé notre organisation. C'est arrivé que chacun prenne en charge le personnage. Et nous, à la fin du film, on se dit, on voit bien que tel anime qui a été fait par tel réal, le personnage est comme ça. Et là ça change. C'est arrivé, par exemple, qu'on dise au réalisateur, tu reprends à une certaine étape du travail. On va pas pouvoir tout développer, mais tu reprends le modèle de manière à ce que, au final, le personnage ne change pas de tête. Et ça, c'est aussi une manière de travailler qu'on fait évoluer petit à petit. En fait, ça dépend des réels. C'est vrai que Gilles travaille pas mal là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, en général, on commence l'anime. Forcément, le personnage, on le maîtrise pas aussi bien que celui qui l'a créé. Et du coup, on va venir avec des croquis. Il va repasser derrière nous. Remettre un peu au modèle en nous donnant des indications, en faisant un cours d'anime par rapport à, enfin, un cours de modèle, quoi. Et puis après, petit à petit, on s'adapte à ça, et puis on travaille de cette manière-là. Voilà, cette idée de capacité, quand même, de voilà, pouvoir. Ça, c'est, avec Gilles, on travaille pas mal comme ça, et moi, c'est vrai que quand je travaille sur Recto Verso, par exemple, je fais un travail de layout, donc de préparation à l'animation, qui est tellement déjà au modèle cliné, qu'en fait, l'animateur, il a pas de questions à se poser, normalement. En gros, c'est ça. Il y a différentes méthodes. Après, il y a aussi des films où il n'y a pas beaucoup de personnages, genre il y a un seul personnage principal, etc. Et au final, si le personnage change au niveau du modèle, c'est pas forcément gênant. Ça dépend des films aussi. C'est pas de la série très... Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on peut se permettre aussi quand on est dans une société où il y a peut-être moins de monde, où on fait du court-métrage, Samuel, c'est plus... Oui, parce que je pense que l'animation, c'est une industrie qui est quand même vraiment très organisée quand on parle de série et de long-métrage, et ça se passe vraiment différemment. C'est-à-dire que dans le long-métrage ou la série, c'est le rôle d'une personne de remettre au modèle. C'est son métier, il ne fait que ça. Nous, la difficulté, c'est que un court-métrage, déjà, ça se passe aussi sur un temps court, même si on trouve ça toujours très long. Le temps qu'on se mette au modèle, puis qu'on avance, qu'on change de poste, c'est une grosse richesse pour nous en tant qu'animateur. Mais d'un autre côté, on pourrait dire que c'est absolument pas rentable en termes de résultats et de temps de travail, quoi. Donc voilà, tout ça pour dire qu'on a effectivement la chance dans le court-métrage. Pouvoir. Est-ce qu'il y a, juste pour finir sur les films du Nord, vous allez partir ensemble des films du Nord. Est-ce qu'au bout d'un moment, justement, par contre, on a vu les côtés positifs de ces petites équipes. Est-ce qu'à un moment donné, il peut y avoir aussi quelque chose, je sais pas, qui tourne en rond ou quelque chose qui fait qu'on a envie de sortir un petit peu de ce système-là? Ou alors non, on sort juste de ce système pour se dire, on va créer autre chose de plus personnel peut-être et de faire des choses plus proches. Là, tu parles en fait du passage. Du fait de partir, d'un seul coup, de se dire, on va parler après de Recto Verso, on va reparler quand. Mais déjà là, du départ sans. Dans les détails, mais juste se dire, qu'est-ce qui fait que d'un seul coup on se dit, allez, ça a l'air, je sais pas, pour ceux qui écoutent, je suppose, film du Nord, on se dit, putain, ça a l'air plutôt bien. Ah ouais, non, mais il n'y avait pas de soucis, mais il y avait eu plusieurs, avec Arnaud, il y avait eu beaucoup de discussions sur éventuellement créer une société avec lui, en créant des choses, etc., tout ça. Mais au final, en fait, ce qui s'est passé, c'est que nous, en fait, on était intéressés de faire pas que du court-métrage aussi. À un moment donné, on s'était dit, ce serait bien de faire un peu de clip, un peu de pub, des choses comme ça. Des choses dont Arnaud, finalement, n'avait pas envie de travailler dessus. Et du coup, petit à petit, comme ça, on s'est dit, en plus, quand on travaillait avec Arnaud, le choix même des films, forcément, il était imposé par lui. Bien sûr, ce qui est, ce qui est bien, c'est qu'il ramenait plein de films et que c'est pas un problème. Mais au final, on a eu d'autres possibilités. On a rencontrer des personnes, on s'est fait notre carnet d'adresses, on a rencontré Franck Dion par exemple, etc. Et avec ces personnes-là, on s'est dit tiens, on pouvait travailler, et comme en plus il venait de monter sa boîte de prod, etc., avec Papy 3D, etc., avec Gilles en plus, l'occasion s'est faite que on s'est dit on peut peut-être monter un studio tout en travaillant encore avec Arnaud, mais en se donnant la possibilité de répondre à d'autres choses. Par exemple, travailler avec Joris Clarté, etc., que j'avais rencontré Donc, lors d'un festival, etc. L'idée est d'un seul coup d'ouvrir. C'est ça. Ok, alors on va faire une pause musicale pour voilà, hein, reprendre un peu son souffle et on va quitter donc les films du Nord pour rentrer dans Train-Train juste après la pause. On va changer un petit peu. Il y a pas que Drive. L'un des grands films que j'ai vu aussi, qui est un film pour Nantes d'il y a 2 ans maintenant, un film qui s'appelle Erdol, que je vous conseille absolument de voir, qui est juste un film absolument magnifique. Et donc on va écouter la piste d'après, puis comme tout à l'heure, on va suivre les deux pistes. Merci beaucoup Nicolas. On se retrouve juste après. Bien sûr, Radio Libertaire, Bulle de Rêve, l'émission 100% animation pendant 2 heures. On reçoit donc le studio Train-Train aujourd'hui. Vous avez entendu la musique du film Erdol. Et juste là, on vient d'entendre la musique d'Edmond était un âne. le nouveau film de Franck Dion, on rigole parce que sur Arte, ils avaient appelé ça Edmond est un âne. Et beaucoup de gens avaient repris cette erreur. Moi aussi, alors que pourtant je savais que ça s'appelait Edmond était un âne. La première a eu lieu hier le grand auditorium de l'ONF. Donc voilà, et que j'espère on verra. Franck Dion aurait dû être avec nous, mais il y a eu un petit décalage dans son voyage et donc il ne rentre, je crois, que demain de Montréal où le son est fait donc avec l'ONF. Donc il ne pouvait pas être avec nous, mais il voulait, puisque évidemment, comme Muriel l'a dit, ils travaillent beaucoup ensemble. Alors on va parler de juste après Recto Verso par rapport à la série, et on reviendra évidemment par rapport au travail sur le court-métrage. Déjà, la création de Train-Train, elle a lieu quand? qui veut lancer ça, Gabriel. Administrativement, c'est 2005, ouais. Mais ouais, effectivement, c'est plutôt 2007. D'accord, c'est-à-dire que vous l'avez d'abord créé, c'est ça, voilà. Et tout en continuant à travailler. D'accord. Ok. Et ensuite, on a déménagé à LM. Oui, parce que vous étiez pendant longtemps. Moi, j'étais. Vous étiez à Roubaix. Ouais. Ah, c'est ça, dans les mêmes locaux, ouais. Quasiment. Bah, en fait, c'était les locaux à côté. On louait les locaux à côté. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que on a créé. Enfin, on a eu l'idée donc en 2005, etc. Et comme on était parti dans l'optique de faire quelque chose pour mettre en avant le studio, on s'est dit on va faire un générique d'Annecy. On va proposer un générique d'Annecy parce que c'est un concours pour faire le générique d'Annecy. Et c'est en faisant ce En proposant ce, enfin, pour répondre à l'appel d'offres d'Annecy, on a fait un projet qui va finir par être Train-Train, en fait. Qui était le film. Notre générique d'aujourd'hui. Voilà, qui était le générique d'aujourd'hui. Qui a failli être le générique d'Annecy. Ouais. On était, juste à la fin de. Je sais plus qui a c'était fait. Qui avait gagné à l'époque. Bah, le truc avec les vaches. Mandarin & Co. Voilà. Donc, on a failli terminer en tant que générique d'Annecy, et au final, bah, on a fait un court-métrage. Alors, regardez le Train-Train, parce que c'est vrai qu'à la différence du celui de Mandarin & Co, qui était peut-être plus fun pour les gens d'Annecy, en effet, là, on parle d'animation, puisque, voilà, bah, je vous laisse découvrir, il est sur le site. C'est pour ça que c'est très court et que voilà. Ça parle vraiment juste du cinéma. Donc, ça, c'est donc création, mais c'était quoi le premier projet sur lequel vous avez travaillé? À part Train-Train, ouais. On est d'accord, là, il y a Train-Train qui est fait. Je crois que c'est Monsieur Coq. C'est Monsieur Coq. Monsieur Coq. C'est Monsieur Coq, donc c'est Papy 3D. Ouais, donc voilà. Il y a un gros travail avec Papy 3D, tu l'as dit juste avant la pause. Donc, en fait, c'est ça, on fait marcher de suite, plutôt, comme tu le dis, les réseaux, enfin, Dieu que j'aime pas ce mot-là. En tout cas, les connaissances et ceux qu'on connaît. Donc, il y a Papy 3D. Vous travaillez aussi un peu avec les Films du Nord. Oui, mais c'est pas venu tout de suite en fait les Films du Nord. C'est vrai qu'on a d'abord travaillé sur des projets de Papy 3D. Donc Monsieur Coq d'abord. Et puis des appels d'offres ou des trucs comme ça quoi. Ensuite après Monsieur Coq. Il y a eu La Femme Squelette. La Femme Squelette. Ou Sarah Vandenboom. D'accord. Ouais. Et quand on regarde sur le site, si je regarde, j'ai toutes les réalisations sur lesquelles vous avez travaillé. Normalement, oui bien, quand même. On voit 2, 4, 6, 8, 10, quoi, il y a une douzaine de courts-métrages. Et seulement deux pubs et un clip. Oui. Bah oui, c'est ça. Parce que vous êtes des feignants, parce que. Parce que on veut s'ouvrir aux choses, mais qu'on n'a pas réellement démarché pour avoir ces projets. C'est-à-dire que les projets qu'on a eu de pubs, etc., c'est des connaissances qu'on a eues en festival, etc. Les premiers travaux qu'on a eus, c'est grâce à Joris Clerté, par exemple, qui devait on l'avait appelé pour travailler sur un clip de Florent Pagny. Et il a dit bah non, c'est pas possible, etc. Mais je connais un studio et tout qui vient de te monter. Ils font des super animes, machin truc, etc. Il nous a donné le contact et on a travaillé comme ça. D'accord. Et c'est ensuite en travaillant avec ces personnes-là qu'on a travaillé sur d'autres pubs, etc. Mais on n'a jamais réellement démarché pour ça. Après, on a répondu à certains appels d'offres, mais qui ont rien donné aussi. C'est dur aujourd'hui, voilà, c'est ça. Si c'est pas par connaissance, est-ce qu'aujourd'hui faire des... Je me rappelle qu'une fois, Gilles parlait de ça, il disait qu'il avait fait pour un truc d'avion, je sais pas quoi. C'était tout un gros truc et que finalement tout ça pour rien. Est-ce que c'est pas difficile quand même de se battre pour ça alors qu'il y a des grosses boîtes fatigant, à côté de ça qui eux c'est facilement Samuel. C'est aussi un système, c'est-à-dire que nous depuis maintenant presque 10 ans, on travaille dans le court métrage. C'est là-dedans qu'on a développé notre réseau. Hein. Faut pas avoir peur des mots, c'est pas un gros mot. C'est un système qu'on connaît bien et si on voulait travailler dans la publicité ou le clip. Ça demande de recréer des contacts, ça demande de modifier l'organisation. Et c'est pas que c'est plus ou moins dur. Déjà, c'est un choix. C'est que, enfin, je pense que nous, on s'épanouit beaucoup dans le court métrage, donc on privilégie ça. Mais les personnes qui font beaucoup de publicité nous expliquent comment ça fonctionne et c'est pas forcément là-dedans qu'on a envie d'aller, mais. C'est aussi par choix parce que ça, par exemple, comme tu dis, la publicité, ça demande déjà de répondre à un appel d'offres, ça demande de travailler. Il n'y a pas forcément à la clé, le projet n'est pas forcément choisi. Et nous, c'était pas comme ça qu'on voulait travailler, mais ça pourrait arriver. En général, les pubs ou les travaux qu'on a fait autres que des courts-métrages. Il n'y avait plus d'appel d'offres. L'appel d'offres était déjà accepté et on était là en tant que prestataire pour faire l'animation. Et c'est ce genre de choses sur lesquelles on est ouvert. Peut-être pas faire des prestations, mais enfin à faire des appels d'offres, pardon, faire des prestations. On a plus souvent fait ça. En fait. Juste, on va parler de vos projets. Car tu peux parler aussi, hein, parce qu'ils parlent tous les deux, mais tu peux parler quand même. On parle des projets, mais on parle évidemment, c'est intéressant de voir par rapport à faire un studio. Je sais que beaucoup d'étudiants ou de jeunes en parlent et disent, ah, si on faisait un studio plus tard, etc. C'est vraiment compliqué. J'ai un peu la réponse, hein, je joue, mais c'est un peu compliqué aujourd'hui de faire un studio comme Train-Train, de faire un studio indépendant où on n'est pas beaucoup, on essaye de se battre par rapport à ça. Il y a le plaisir, hein. On vient de le dire, il y a le plaisir de travailler sur des projets qui, si possible, nous intéressent le plus possible. Mais financièrement, ce genre de choses. Oui, non, mais le silence est important qui vient après. Non, mais c'est pas facile. Hein, c'est pas facile du tout. D'autant plus que voilà, on le sait aussi, il y a de plus en plus d'écoles d'animation en France, il y a de plus en plus de formations. Donc ça veut dire aussi de plus en plus de gens qui sortent sur le marché du travail. Donc voilà, ça fait aussi de la concurrence. Donc non, c'est loin d'être facile. Donc c'est quand même compliqué aujourd'hui encore de se lancer. Ouais, moi je pense que la carte à jouer peut-être c'est en région. Enfin, nous l'avantage qu'on a c'est que en étant à Lille, qui est quand même une région qui investit beaucoup dans l'audiovisuel, on a profité aussi d'un réseau qui s'est fait. Il y a la Belgique, on n'est pas loin de Paris. On connaît un studio qui s'est monté à Bruxelles. Alors, je connais pas exactement leur fonctionnement parce que en Belgique c'est différent. Peut-être vous connaissez sur Bordeaux, non? Non, L'Enclume, ouais. Ouais, c'est L'Enclume. L'Enclume. L'Enclume. C'est possible, mais ça demande, c'est compliqué. Faut beaucoup de volonté, et c'est surtout compliqué à tenir sur la durée parce que monter un studio pendant 2 ans. Ça va, puis au bout d'un moment, faut trouver un système qui est pérenne, quoi. Juste, on va pas, mais parce que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de montrer le plaisir qu'on peut avoir aussi à ça. On va parler évidemment des projets aussi personnels. Mais on va parler de Recto Verso, qui est à la fois un beau projet et qui est à la fois un projet qui est, on va revenir à des trucs un peu plus difficiles aussi, puisqu'en ce moment, Recto Verso, toi, tu l'as lancé, Gabriel, en série, et que toutes les chaînes disent, oh, c'est super beau, mais, ça nous fait trop peur parce que c'est en noir et blanc, c'est ça, c'est un projet en noir et blanc. Oui, c'est sûr. Donc à la base, c'est donc quelque chose qui tient à cœur parce que c'est ton projet de fin d'études. Un peu monomaniaque, un peu. C'est mon projet de fin d'études. En noir et blanc, au Tipex, c'est ça, tu disais. Au début, c'était au Tipex, du Tipex animé sur Cello, donc vraiment sur une histoire de la création du monde et tout. Et c'était un court métrage, mais qui devait faire 10 minutes à peu près. Enfin, c'est ce que j'envisageais en DMA. Et après, ça a évolué en court métrage. Mais en fait, ça a évolué en court-métrage, mais il y avait déjà les prémices d'une série. Parce que c'était en trois parties. C'était déjà en trois parties. En fait, je pense que il y a plusieurs choses. C'est que j'arrivais pas vraiment à écrire un long scénario, avec cet univers-là. Et en même temps, j'avais eu l'expérience de formats très courts, justement, au film du Nord. C'est-à-dire, en travaillant sur des projets type série, mais faits comme des courts-métrages, sur Les Fables en délire, ou Bonhomme et Lunolin, par exemple, qui sont des sortes de projets, à la fois courts-métrages et en même temps série, très série, en fait. Je me suis dit, c'est peut-être un format qui m'irait bien. En plus, Les Fables en délire se terminaient. C'est-à-dire qu'on avait fait 4 saisons, on va dire, des Fables en délire, ça devait s'arrêter. Donc, du coup, je me suis dit, vu que c'était des projets un peu drôles, qu'on faisait légers, entre des productions plus lourdes des films du Nord, j'ai dit à Arnaud, ça peut peut-être remplacer les Fables en délire, entre guillemets. Ce sera notre petite virgule, petit bol d'air entre deux grosses prods, etc. Donc j'ai adapté ça en court-métrage, mais en 3 épisodes de 2 minutes, donc ça faisait un court-métrage de 6 minutes qui s'appelle Recto Verso, déjà. Donc ça, ce projet-là, qui part en festival... Oui, celui-là, il a eu des prix, il y a eu un beau parcours quand même en tant que court-métrage. Ensuite, vous partez de Film du Nord, et ensuite... Et là, en fait... C'est ça, parce qu'il reprend... Ce qui s'est passé, c'est que le CNC mettait en place une aide à l'innovation pour les séries télé. C'est une aide où tu déposes un dossier en tant qu'auteur. Donc il n'y avait pas de prod, etc. Et donc du coup, j'ai déposé un dossier. Et il a énormément plus, en fait, ce projet de série. Donc c'est toujours Recto Verso, mais adapté en 52 fois 2 minutes ou 3 minutes. Et du coup, j'ai eu énormément d'argent par l'aide à l'innovation du CNC. Et du coup, j'ai pu monter un dossier assez conséquent qui m'a permis après d'avoir l'aide au développement, l'aide aux pilotes, etc. Ce qui est juste passionnant, je trouve, quand même, dans cette histoire, c'est que tout le monde trouve le projet passionnant. Il y a plein de gens qui donnent de l'argent, le CNC donne de l'argent, et que les chaînes disent que c'est... Et en fait, les chaînes disent au dernier moment, on ne sait jamais si ça plaît pas parce que c'est juste un peu différent. C'est-à-dire qu'en fait, on est vraiment dans des schémas où on ne peut pas tenter quelque chose d'un tout petit peu différent et qu'il y a vraiment une peur, alors que tout le monde dit que c'est bien, qui a une peur finalement de faire quelque chose d'un juste un peu original. On a bien vu, j'ai souvent parlé avec, je suis bien content, Lila Lili qui s'arrête au bout de deux saisons, enfin ce genre de série qui est un petit peu différente. C'est mais je crois que maintenant actuellement en fait les productions de séries télé 80, c'était avec une personne de France Télévisions qui m'avait dit ça, 95% de toute façon des séries télé c'est des adaptations de bandes dessinées. Donc déjà il faut se poser dans ces 5%. Donc il faut avoir un nom aussi connu, etc. Donc il y a déjà ça. En plus des projets de séries comme par exemple, j'imagine l'Alinéa produit actuellement, etc. Je suis pas sûr que les chaînes télé auraient suivi. Ça serait... Donc il y a aussi ça. Il y a maintenant ils veulent faire des séries où en fait les personnes peuvent regarder un épisode tout en faisant autre chose. C'est ce qu'on m'a reproché. C'est-à-dire que moi par exemple sur 3 minutes je demandais trop d'attention aux spectateurs. En gros, c'est ça. C'est aussi ça. Je dis pas que les pilotes que j'ai fait soient parfaits, etc. Je pense qu'il y a peut-être des problèmes de compréhension, des choses comme ça, etc. C'est sûr. J'ai des choses à apprendre par rapport à ça, justement. Mais, c'est vrai que c'est ce qu'on m'a dit. Enfin, là, il y avait quand même, puisque tu travailles pas tout seul, tu travailles avec une scénariste. Ouais, j'ai travaillé avec Mélanie Duval, en fait, qui est une ancienne de l'ESAT aussi, qui était dans la même promo que moi, Gilles. C'est les mafias, toutes ces écoles, ce genre de choses. On va le voir juste après avec Lorraine. On enseigne tous maintenant à l'ESAT, donc c'est encore pire. Ah voilà, c'est vraiment... On les sélectionne, tu vois, Lorraine, on l'a pris comme ça. C'est sûr que c'est un peu comme ça, quoi. Mais oui, j'ai oublié de Moi aussi, hein. On était comme ça. Là, on va faire une pause, une rapide pause, et puis on va venir, on va parler du futur... de train-train. On aurait pu parler de plus de choses, évidemment, mais vous l'avez pas forcément vu. Recto Verso, c'est intéressant, parce que c'est un projet qui travaille, qui est sans dialogue, et sur lequel, notamment, donc, en noir et blanc, avec un petit dieu et un petit diable, et qui se combattent comme ça, et avec une musique, donc, avec ce terme horrible qu'on appelle Mickey Mousing, en fait, qui est un terme absolument terrible, alors que d'autres l'ont fait avant, une musique qui représente, en fait, les sentiments des personnages. Ouais, par exemple, dans Recto Verso, comment t'as travaillé un petit peu avec donc avec une clarinette pour le diable en fait qui est donc verso et pour Dieu c'est un mélodica. Donc mélodica c'est une sorte de petit clavier où on souffle dedans qui a un son un peu super aigu enfin et oui voilà c'est un truc très très sonore quoi. Mais j'abandonne pas parce que là je suis en train d'aller vers un projet d'adapter cette série qui a pas plus en 2 minutes 30 et là je suis en train de voir pour faire un épisode de 6 minutes sur Beethoven. Waouh. Avec le toujours Ouais, c'est comment Beethoven est devenu sourd. D'accord. Voilà. Bon, en tout cas, évidemment, il faut pas abandonner, ça fait partie des séries où... Oui, comme on parlait juste je suis bien content le long-métrage avec Tardy et le genre de choses qu'il faut continuer, c'est un petit peu dommage de les arrêter surtout si c'est pour pas forcément des bonnes raisons puisque voilà c'est on va faire une pause musicale on va écouter le prochain je crois qu'il y en a trois qui suivent mais c'est très très court à chaque fois où là puisque je savais pas quoi faire vous avez un morceau de Drive un morceau de Herdol et puis évidemment trois morceaux vous l'entendrez donc on écoute ça dès maintenant. Merci Nicolas. voilà, il continue à parler évidemment, parce qu'on continue à parler pendant les morceaux de musique, c'est pas bien. Donc vous avez entendu Erdol, vous avez entendu toujours Cliff Martinez pour donc World Dance Girlfriend, hein, c'est le nom du groupe, enfin de la personne qui a fait la musique d'Erdol, Cliff Martinez pour Drive, et un extrait de Sumo. La bande annonce, on va passer à Lorraine Brébant qui va nous parler un petit peu. Alors juste avant de passer, avant Lorraine, il y avait eu Thomas Platt avec Nabus Makina. C'est des choses, toi, Gabriel, tu es jury à l'ESAT, tu es prof et aussi juré en fin d'année. Donc ça, c'est des projets que t'as récupéré, les deux projets en noir et blanc. Ouais. Oui, je sais, c'est un peu facile. Et l'autre, c'est avec un sumo et comme Gilles. C'est je ne sais pas, Gilles, j'ai mon portable, tu peux toujours répondre en direct. Gilles, appelle-nous. Ouais. Voilà, c'est ça, on peut avoir une vision. En pour ceux qui ne connaissent pas Gilles, je fais de rigoler. En fait, ce qui s'est passé, c'est vrai que Gilles et moi, on enseigne donc à l'ESAT, et du coup, on participe au jury de fin d'année. Et il y a une chose qu'on s'est toujours dit, ouais, c'est dommage que les étudiants ne puissent pas finir leur film. Bon, même moi, si je suis parti dans d'autres choses, etc. Mais et du coup, on s'est dit, on a une structure, on pourrait peut-être épauler certains étudiants à finir leur film. Et c'est vrai que le premier film qui a été choisi comme ça, c'était Nimbus Machina, un film de Thomas Platt, qui est juste un film, c'est vrai, en noir et blanc sur un train. C'est très graphique, etc. Un personnage qui se bat avec une machine. Encore un train. Oui, encore un train. Et puis c'était un train, voilà, on s'est dit c'est bon, c'est bon. Et encore c'est du bon noir film, et blanc. Du noir et blanc, oui, c'est pour ça, moi. Parfait. Non, mais c'est vrai que c'est un projet qui était envisageable. C'est-à-dire que c'était un projet pas trop ambitieux, finissable rapidement. Pardon. Oui. Et bon, on avait été un petit peu plus long. C'était plus long que prévu. Mais voilà, c'était un film envisageable avec peu de moyens. Et donc du coup, on s'est dit, on peut peut-être épauler ces personnes-là à monter un dossier au niveau du CRAV, donc au niveau de la région, pour avoir des fonds associatifs, enfin de l'argent, pour payer un ordinateur à la personne, etc. Et il y avait aussi le défi jeune, qui n'existe plus, je crois, maintenant. Et donc du coup, le premier film, ça a été le film de Thomas, et après, il y a Lorraine qui est venue. Pourquoi le film de Lorraine? Qu'est-ce qui t'a plu? Parce qu'il y a Gilles aussi, hein, qui est dans le jury. Vous avez, c'était une évidence ou? C'était bien avant la fin du jury. Hein. En fait, dans l'année déjà. Pas le film de Thomas, par exemple. Le film de Thomas, c'était en voyant vraiment au jury. Mais pour Lorraine, bon, elle savait pas. Hein, mais attention, tu vas apprendre des trucs. Avec Gilles, on s'était dit, c'est intéressant ce qui s'est produit avec Thomas. Ce serait intéressant de le refaire, pas forcément tous les ans, mais de temps en temps. Ouais, vous vous êtes dit, on va prendre une fille, on va changer, quoi. Ouais, voilà, on va prendre une fille. Et pour Claire, parce qu'en fait, c'est qu'un seul de garçon, donc pour avoir une compagnon de jeu, finalement, puis, avec Claire. En plus, elle était... En plus, elle était geek et tout, donc c'était bon. On savait même pas. Non, mais en fait, voilà, c'était un projet qu'on avait remarqué assez vite parce que visuellement, on le trouvait intéressant, qui était aussi pas trop ambitieux, assez court. Non, mais ce que je veux dire, un film court. C'est, ouais, il y a des projets graphiquement quand même. Il y avait tout un travail, dans le sens de quantité de travail. Quantité de travail, d'accord. C'était faisable. Et c'est un film qu'elle peut gérer. Seul. D'accord. C'est aussi ça, il y a l'autonomie. Voilà. L'autonomie en fait. Et en plus, on voyait les capacités de Lorraine et tout, et on en avait discuté avant, et donc du coup, on lui avait proposé en fin d'année. Donc Lorraine, toi quand tu fais ton film de fin d'études et quand tu le prépares, tu t'espères le finir ou sur le coup? Pas du tout. Non, ouais. Je suis persuadée de jamais le finir, et d'ailleurs, mais comme je finis jamais ce que je commence en général, non, je l'aime toujours pas d'ailleurs. Ça c'est normal. Non, mais c'est là, pas ça, mais j'ai stressé dès le début, moi, dès que je voulais faire des films, mais maintenant il fallait faire un film, j'ai dit, oh, mon dieu, mais j'ai rien à dire, et tout, c'était terrible. Donc non, je pensais pas le finir et tout, puis quand on m'a donné l'occasion, j'ai dit oui tout de suite, quoi, par contre, parce que justement, c'est pour me bouger les fesses et concrétiser quelque chose, quoi, c'était important. Juste, donc, ça paraît bête, mais quand on voit, alors plein de gens l'ont pas vu, il est pas en ligne, moi j'ai eu la chance de le voir en tout cas. C'est un film qui travaille beaucoup sur l'idée du sumo, c'est-à-dire quelque chose avec une lenteur au départ. C'est s'appelle sumo, non mais Claire fait plein de gestes. Vous êtes pas en studio, mais Claire. Je bouge même pas, je te fais des gros yeux. Oui, voilà, mais Claire, c'est un peu. Elle aime bien les animaux et en fait, elle fait un peu. Elle est comme ça. Non, mais c'est parce que c'est étonnant. On a l'impression. Est-ce que c'est quelque chose? Est-ce que le sumo t'aimait ça avant, ou est-ce que c'est le fait de travailler sur les corps qui t'intéressait? justement, vas-y. En fait, le sumo, je connaissais vraiment pas du tout avant de commencer le film. Et même d'ailleurs, j'ai perdu l'origine de pourquoi j'ai pensé au sumo. Hein, ça, je sais pas du tout. Je voulais faire un combat, une lutte. Je pense vraiment au départ, j'avais vraiment envie d'animer, quoi. Je sais pas. Et le sumo, c'est venu. Alors, je sais pas comment, mais ça m'a tout de suite intéressée. J'ai dû voir ça par hasard. Et du coup, c'était totalement dans l'idée que je voulais faire quelque chose justement avec des contrastes comme ça, à la fois donc de rythme et de tout ce travail sur le corps. En fait, j'ai découvert que j'adorais aussi ce thème au fur et à mesure de mes années à l'ESAT. Du coup, voilà. Et du coup, maintenant, le sumo, j'aimerais bien le voir en vrai, parce que j'ai jamais vu un combat. Et c'est vraiment très intéressant et c'est vraiment un sujet qui est dense. En fait, j'ai découvert ça au fur et à mesure de mon film. Et t'as quand même regardé des vidéos sur Internet, ce genre de choses. Oui. J'ai lu des biographies, énormément de vidéos, et je voulais à tout prix, même si après j'en ai fait autre chose, je voulais pas me tromper sur ce que c'était sumo, quoi. Je voulais pas faire un truc de fan, voilà. Ça par contre, non. Ce qui m'intéressait vraiment, c'était la démarche de cette culture-là, quoi. Donc, j'essayais justement pour faire le moins d'erreurs possible, même si après j'en ai fait quelque chose de personnel, mais du coup, d'énormément me documenter et de voir aussi ce qui me plaisait dedans, quoi. Donc voilà, et moi justement c'est ce côté caricatural qu'on peut avoir en tant qu'Européen, et je voulais passer au-dessus de ça, et moi j'y ai trouvé une certaine sensualité, quoi, et du coup j'ai vraiment concentré mon travail là-dessus. Ce qui est étonnant, c'est qu'on a l'impression qu'il y a une vraie réflexion par rapport, on en avait parlé ensemble, mais hors micro, mais par rapport même au cinéma japonais, et le fait d'avoir beaucoup de lenteur, même du silence au départ, et d'un seul coup, en effet, cette fulgurance qu'il y a dans le sumo, et donc qui est plutôt réussi, en plus avec ton jeu graphique et avec la réflexion. Il y a beaucoup de films japonais que tu vois aussi, ou non, c'est quelque chose d'assez instinctif? Non, je pense que, forcément, il y a des influences, hein, j'adore énormément l'animation japonaise, et même en faisant sumo, au bout d'un moment, justement, dans les moments où je devais animer, j'arrivais pas à me lâcher, en fait, du tout, et je voulais essayer d'arriver à ça. Et j'ai regardé, par exemple, bêtement, mais Akira et tout ça, et c'est quand même, pour moi, c'est énormément référencé là-dessus, quoi. Enfin, en partie. Donc, voilà. Quand on sort, quand on fait le film, on se dit, tu l'as dit, c'est super difficile, etc. Tu rentres, c'est complètement différent qu'à l'école. On est quand même dans un cadre où on est. Est-ce que, je sais pas, comment on fait pour gagner de l'argent? Est-ce que t'as de l'argent qui vient évident sur les films? J'ai eu de la chance. Déjà, on me propose de finir mon film. Voilà. Et en plus, on me propose de travailler sur les productions de Train-Train en parallèle. Donc, en fait, je peux pas dire grand chose parce que vraiment, j'ai eu du bol, quoi. Donc, t'as travaillé sur quoi en production Train-Train? Paix sur la Terre. La Vénus de Rabot. Love patate, voilà. Bravo, t'as oublié le dernier. J'essayais de voir s'il n'y avait pas un entre, mais non. Love patate. C'était avant de faire ton film, je crois même. Non, c'était c'était pendant, quoi. J'ai travaillé. Tu travailles. J'ai eu beaucoup de coupures parce que, en plus, il y avait des productions assez longues. Donc, ça a été dur, par contre. C'est vrai que maintenant qu'on fait. Si je refais un film, ce que j'aimerais bien, c'est que il faut travailler de manière concentrée, parce que sinon on a envie de tout reprendre déjà à chaque fois, donc on se rend malade. Et puis en fait, de trop arrêter, en fait ça avance pas, quoi, et du coup on traîne énormément, quoi. On se remet en question à chaque fois, à chaque redépart de j'en du sais film. Rien pour les, mais moi, dès le début je voulais tout recommencer à chaque fois, mais même là maintenant je suis pas satisfaite, hein. Je pense que c'est pour tout le monde pareil, mais du coup. Alors, juste avant de finir mon film, j'en avais marre, donc je me suis dit, plus jamais. Et puis, maintenant que j'ai fini, faut absolument que je refasse un film, parce que, je veux faire mieux. Enfin, forcément, on a envie de corriger ses erreurs, puis on se dit que c'est possible, vu qu'on en a fait un, et que du coup, après. Mais vous qui avez fait, je vois le grand sourire, dis en juste une phrase, hein. Florentine, est-ce que c'est pas le cas de un peu tout le monde? Ouais. Oui, on n'est jamais satisfait, c'est sûr. Finalement, et on a envie. Oui, je pense que c'est pour tout le monde. Ouais. Et là, qu'est-ce que tu fais maintenant? Donc, sumo est fini depuis combien de temps? Concrètement, il est fini depuis cet été, le temps de la bêta, tout ça. Et entre-temps, j'ai bossé sur d'autres productions. Du coup, là, je voyage un peu. Et puis, oui, c'était plus à train-train là pour l'instant. Oui, c'est par intermittence. Voilà, c'est... là, je suis revenue à train-train. voilà. Mais pareil, enfant gâté, on m'a appelé, je suis revenue. et puis bon après, bah du coup là, je pensais remettre sur un projet personnel. Du coup voilà, comme là j'ai le temps, je pense. Et t'as surtout voir un film en noir et blanc. Oui, j'ai des idées. Alors surtout pas. Mais si moi je voulais le faire en peinture animée à la base, voilà au tout début. Donc le fusain est arrivé au fur et à mesure. C'est quand je faisais les storyboards. Non mais c'est important parce que graphiquement j'ai trouvé c'est parfait. J'ai pris un gros fusain noir pour faire vite fait mon storyboard et j'ai vu que ça marchait comme ça et c'est comme ça que j'ai décidé de le faire au fusain. Et non, j'ai pas décidé de technique particulière, mais j'ai besoin de. Enfin, moi, l'animation, j'ai besoin de mettre les mains dans le cambouis, quoi. Enfin, c'est ça, ce que j'adore, c'est gratter. Enfin, c'est important de prendre du plaisir à le faire, donc ce sera forcément. Il y aura un peu de. Enfin, ça restera dans l'organique, que ce soit au niveau de l'image et au niveau du scénar, voilà, quoi. Obligé. On voit des lumières aussi dans les yeux de Florentine qui comprend tout à fait le discours, puisqu'elle a le même, elle dit oui, moi aussi, l'organique, j'en ai besoin. Gabriel, tu nous as dit, recto verso, on arrive vers, malheureusement déjà vers la fin, recto verso, donc la série. Là, c'est. Toi, c'est vraiment ça en ce moment qui je parle. Personnellement, oui, hein, là on parle pas, c'est ça qui. Oui, c'est ça qui me. Tu veux dire, ouais, sur mes projets à venir, oui, c'est ça, vraiment, quoi. Ouais, j'avais un projet d'adaptation d'une bande dessinée de David B, qui est finalement tombé à l'eau. D'accord. Mais voilà, j'avais d'autres projets, mais au final, je reviens toujours sur Recto Verso parce que j'arrête pas de le dessiner. Et juste une petite parenthèse pour dire qu'en plus, le parallèle entre le Suivre Train-Train et les films du Nord, c'est un peu rejoint aussi sur le film de Lorraine et de Thomas. Parce qu'en fait, au final, c'est les films du Nord qui s'occupent de la distribution, de la diffusion au festival, etc. Parce que le film, une fois fini, a plu à Arnaud et du coup. Juste une précision, Samuel. Donc, nous, on est un studio d'animation et on n'était pas à l'origine, on n'avait pas forcément envie de produire. Mais il se trouve que Train Train, Sumo et Nimbus Machina sont des films produits par le studio. Et distribuer. Et distribuer, du coup. D'accord, donc quelle idée vraiment aujourd'hui de produire aussi, pourquoi pas, de temps à autre. Ça peut se faire. Est-ce que les années des SAT sont si mauvaises par la suite qu'il n'y a eu aucun projet qui a été produit de les SAT? Non, c'est pas ça, c'est vraiment. C'est plus une question. Très lent aussi. C'est une question. C'est une question. Thomas et moi, c'est-à-dire que les deux, ils nous ont usé. Pas tous en même temps, parce que là, c'est une question de timing, en fait. C'est-à-dire qu'au moment où le film de Thomas s'est présenté, on avait du temps à consacrer à ça. Pareil pour Lorraine. Mais là, après, les productions se sont enchaînées. D'accord. Et au moment où il y avait des projets de DMA qui étaient peut-être envisageables, d'une, on n'avait pas le temps, et des fois, c'était des films trop ambitieux aussi. D'accord. C'est en fonction de ça. C'est vraiment l'importance de. Et voilà. Samuel, toi, t'avais un projet. Je vais pas développer dessus. Compliqué. Parce que ça fait partie de. Comme plein de gens qui ont des projets, et puis la réalité, la difficulté à faire des prods en anime fait que le projet pour l'instant n'est. Plutôt en stand-by, on va dire. Après, on a tous envie de développer plusieurs choses. D'accord, mais tu tiens quand même. Vous pouvez voir sur le site, il y a une petite un petit extrait. Et donc voilà. Mais... Si l'occasion se présente, oui, je rebondirai dessus. Après, pour l'instant, c'est pas du tout l'optique, quoi. Oui, évidemment. Hein. Nicolas, on supprimera le générique. C'est pas important. On passera à la tribunal latine de suite. Claire, toi. Toi, j'ai gardé Claire presque pour la fin. Alors c'est quand que tu fais quelque chose? Tu parles d'un court métrage? Ouais. Oui. Alors moi j'ai plein d'idées. J'ai des pistes, mais c'est vrai j'ai du mal à les écrire. J'ai du mal à les coucher sur papier. Et puis en général tout ce que j'écris je trouve ça nul, donc je recommence tout à zéro. Alors j'ai quantité de personnages avec des carnets remplis, mais après voilà le problème c'est l'histoire quoi. Tu travailles avec gens? T'as travaillé avec Anne Vielle? Alors Anne Vielle, c'est une réalisatrice scénariste, auteure, voilà qui travaille. Avec qui j'ai déjà travaillé. Avec Anne, en fait, on avait commencé à écrire. Enfin, c'est surtout elle qui l'avait écrit. Moi, je suis venue un petit peu après pour le graphisme. On travaillait toujours à deux sur un projet de série animée qui est à la fois une série pédagogique et culinaire. Et donc, ce projet, c'est vrai que ça fait un moment qu'il est en route. Il est passé par plusieurs stades. Là, il est encore en train d'être manié. Voilà, donc il y a ça. Il y a aussi un projet de série qui doit être écrit avec un certain Alexis Huneau. je pensais pas que t'allais dire ça. On a plus de temps là, on arrête. Une espèce de coup de couteau. Et à côté de ça, de ça, j'ai aussi, je me suis un peu lancée aussi sur un projet pour un jeu pour l'iPad, donc un truc qui n'a rien à voir. Et puis aussi un projet de livre. Et on peut parler du très beau. Il y a juste trois sur le Facebook de Train Train. Vous verrez, il y a trois illustrations pour un projet de court-métrage pour enfants. Oui, réalisé alors ça, par Gilles et scénarisé. Non, c'est alors, scénario de Gilles et graphiste de toi. Scénario et moi j'ai fait le graphisme. Et donc ça, c'est prévu pour 2012, mais à condition, bien évidemment, qu'on obtienne les financements. C'est Arnaud Demoy. Ça s'appelle Burke et ce sera une future prod avec les films. Pour un film pour enfants, en fait. Film pour enfants. Vraiment pour enfants. Merci Florentine. Génial. Merci infiniment. Merci Alexis. À vous trois, c'était merci trop fort. Merci à Lorraine d'être venue. Merci à Marine qui reviendra. Et rendez-vous voilà. Au 17 rendez-vous décembre. Donc au 17 décembre pour voir. En plus, là, on est à l'heure. Il nous restait même presque une minute. Donc voilà. Bah, merci beaucoup. Et donc, à mois prochain.